Vous êtes assez tapé pour l'écouter. 89.1 C'est fou.ca. Le plan de cette semaine à Assemblage requis. Gabriel Béhoud reviendra sur les demi-finales d'impro en allant dans les quiz à l'huître. Et Marie-Christine Perra nous fera voir des choses dans sa chronique d'art visuel piratin et vin gratuit. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 12 avril pour la semaine du 11 avril 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Oui, on t'en dirait du studio de C'est fou à Trois-Rivières, assis sur notre chanson thème de Vanesse Pariétaire, remaniée par Renard Fac. On commence l'émission d'aujourd'hui. Ça va bien, Tania? Ça va très bien, et toi? Absolument, absolument. Aujourd'hui, c'est le retour de quelques chroniqueurs qui nous ont manqué depuis qu'on est passé à notre case horaire printanière. Mm-hmm. Donc, on va voir dans l'émission d'aujourd'hui à 16h30, donc en deuxième partie d'émission, Marie-Christine Perra et sa chronique sur les arts visuels gratin et fin gratuit. Il y a aussi une chronique sur les élections de la GEQTR qui va avoir lieu dans une demi-heure environ. Ta chronique à toi s'en vient, Tania Esganel, Tania, quoi de neuf? Ben je vais vous parler d'alcool, c'est pas très très changeant, mais, mais peut-être est-ce que la signification de l'alcool va changer? C'est là qu'on te reconnaît, Tania. De retour voilà. À tes bonnes habitudes. On va aussi faire nos chroniques maison, donc on va voir si ça existe ou ça ne devrait pas. On l'a avec des gadgets inutiles, on a une grosse pointe en dresse avec des produits du tiroir. Et on va commencer dans quelques instants avec Gabriel Béhoud, des synchroniques dans les quiz à la huître. Lui qui va être de retour pour une de ses dernières fois pour l'année scolaire. On va parler des demi-finales qui ont eu lieu la semaine passée et cette semaine. Donc c'est dans quelques instants. Mais avant ça, on reprend nos bonnes habitudes de palmarès C'est fou. Parce qu'on a un nouveau palmarès qui commence aujourd'hui, en fait cette semaine. Donc c'est pour la période du 11 au 24 avril 2016. On va commencer par le numéro 20 francophone, Tania. Ça va être Anatole avec leur pièce Discolette. Tout de suite à Assemblage requis. Au 89 FM. Thank you. nouvelle entrée du palmarès francophone, c'était Anatole avec Discollins ou Discollins sur l'album L.A. Tu es des nôtres. On entendra le numéro 20 anglophone tout à l'heure, mais pour l'instant, c'est le moment d'accueillir le retour de Gabriel Béhoud. Voici la chronique dans les coulisses de la Luitre. Dans les coulisses de la Luitre avec Gabriel Béhoud. Bonjour à toi. Hey, salut Mathieu Plante, ça va? Oui, c'est un retour oui, parmi c'est nous. Un petit absolument. On était le matin, on se parlait, puis on parlait d'impro, même le lendemain matin ben du oui. match. C'était, on battait le fer tant qu'il était rouge. Absolument, mais là maintenant on le fait en après-midi. Oui. Parce que le temps est toujours bon pour se faire des affaires, toi et moi. Ben, qu'est-ce que tu dis, Tania, pour ça? Hein? Oui, je suis d'accord. Pour se battre le fer. Se battre le fer. Se battre faire. Le fer, voilà. Oui. Donc, étant donné qu'on s'est pas mis depuis un petit bout, on va revenir sur les deux dernières semaines. Il y a eu deux demi-finales qui ont eu lieu. Oui. Donc, commençons par celle de la semaine passée, la première demi-finale entre les Rouges et les Verts. Que dis-tu, Mathieu? Les Rouges et les Verts se sont affrontés dans une demi-finale, ma foi, très corsée. Corsé, ok. Ah, merci. Ouais. Ça a joué rough d'un coin. Donc, moi, j'ai des commentaires sur mes feuilles de. J'ai des spermatozoïdes voraces, je me rappelle pas de ça. Je me rappelle pas du tout de ce que c'était. Ah oui? Mais il y a eu des non-respects de cartes thèmes, des confusions, des décrochages, ouais. des pénalités. Est-ce que quelqu'un a été renvoyé dans le match de la semaine passée? Non. Il n'y a pas eu de renvoi de personne durant cette demi-finale-là. Par contre, c'est vrai que ça a été très puni parce qu'on a eu quelquefois de la confusion. Ouais. Des deux côtés. Exact. Donc, c'est sûr que lorsqu'on essaie de jouer un peu du coude, parfois on peut se perdre un petit peu. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. Ceci étant dit, par contre, on a eu le droit à une très belle demi-finale. Oui, ben c'était ton équipe qui jouait dans cette demi-finale-là. Oui, exact. L'équipe des Rouges, dont tu es capitaine, avec comme joueurs. Jeff Chapdelaine, Alexandrine Pichessir et Alexandre Marchand. Oui, faut pas oublier notre sub Nicolas Marino. Absolument, Nicolas, qui n'a pas joué pour la demi, là, parce que tout le monde était disponible. Mais en fait, je pense que pour les demi-finales, tout le monde se donne. Généralement, c'est ça, c'est pas mal l'équipe régulière, malheureusement pour les subs. Mais ben, c'est bien normal. Ceci étant dit, je pense qu'ils ont tous pas mal joué cette saison, à comparer à peut-être des saisons passées où certains subs n'ont joué qu'en fait un demi-match. Ouais. Absolument. Je pense que certains joueurs se sont sacrifiés au cours de la saison pour laisser la place aux subs une fois de temps en temps. Mm-hmm. Du côté des Verts, la capitaine est Nadia Tranchemontagne, qui a joué avec ses joueurs Samuel Desjardins, Magali Brousseau-Arcan, Francis Dugré-Lampron, sans oublier le substitut Vincent Boisvert. Non, exactement. Et on doit dire que ça a joué fort jusqu'à la fin. Ouais. On s'est rendu à un score de 9-5. Ouais. Ça a été quand même assez serré là, comme match. Un petit peu moins que la demi-finale d'hier, on y arrive. On y arrive. Mais ouais. non, ça a été un très bon match. Je pense que les Rouges, on a peut-être pris un peu de retard en début de match qui nous a un peu coûté la victoire. Ben, en fait, coûté le match. C'est ça nous a coûté le match parce que les Verts se sont rendus en première finale. Demi, ils ont explosé. C'est tout à leur honneur. Ouais. Là, on va les voir à la finale. Le 18 avril. J'ai co-animé le match avec Alexandre Marchand hier, qui était très amer de sa défaite des Rouges avec toi la semaine passée. Est-ce que vous en êtes remis un peu, les autres joueurs? Pas moi encore. Ben moi, je me scarifie encore beaucoup. Je fais de la scarification pour oublier. OK, comme les cicatrices. OK, scarifie comme dans les galas. Non, exact. Non, moi, je m'auto-flagelle. Oh. Ouais, j'essaie d'évacuer la douleur que j'ai dans mon cœur en la transposant de manière très, très corporelle, donc concrète. Donc, ces temps-ci, là, je me fais beaucoup de mal. Au fer rouge. Oui, exactement, ça, parce qu'il faut le battre. Tant qu'il est chaud. Tant qu'il est chaud. Et voilà. Et voilà. Mm-hmm. Mais c'est une blague, Mathieu. Là, je vois très bien mon équilibre. Mental va bien. Tu vas dans la salle pour regarder la finale. Donc, c'est un soulagement quand c'est même. C'est ça. Stress. C'est ça. Vous n'avez pas de coupe, mais bon. Hein? Non, ben là, une coupe, c'est une fois de temps en temps. Ben, c'est ça. Donc, ça, c'était le match de la semaine passée. Demi-finale entre les Rouges et les Verts. Encore une fois, gagné par les Verts au total de 9-5. Oui. Voilà. Ensuite, revenons à hier, lundi, donc, où avait lieu la deuxième demi-finale, cette fois-ci entre les Oranges et les Bleus. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé dans le match d'hier? S'il vous plaît, on a eu le droit à un match, ma foi, des plus serreux, qui a été, en fait, gagné par un seul point. C'est vrai, 8-7 au total. Tout aurait pu se jouer, mais en fait, c'est faux. Tout aurait pu jouer sur les deux dernières impôts. Parce que la dernière, en fait, n'a pas fait basculer le point, malgré que l'équipe gagnante l'ait perdu. Mais non, on a eu droit à un très, très, très bon match entre deux équipes là, qui jouaient du coude, mais qui se sont laissé beaucoup de place sur la patinoire. Ça a donc laissé place à un match qui était très, très intéressant. C'est vrai, on avait encore une fois un arbitre assez sévère qui a donné beaucoup de punitions, de pénalités. Oui. Donc, on a eu un décrochage de la part de Vincent Rainville. Et plus tard, c'était un cabotinage. Ouais, Vincent s'est fait expulser hier soir. À la presque fin du match, à deux impros. On rappelle la procédure. Là. En fait, lorsqu'un joueur accumule deux punitions personnelles, il est expulsé du match. Et puis Vincent, il a été d'un massage cardiaque au niveau du pubis qui n'a pas été apprécié par l'arbitre. Maxime Tanguay, l'arbitre, ouais. Non, c'était assez graphique là, comme moment de massage. Absolument. Donc, ça a laissé place à du cabotinage qui a donc créé l'expulsion du capitaine. Oui, mais Maxime Tanguay l'a précisé, il voulait expulser quelqu'un pour son dernier match parce que Maxime Tanguay, c'était son dernier match en tant qu'arbitre. Oui, malheureusement. Ah oui, la décision a été prise. Ben malheureusement, en fait, pour la Ligue, heureusement pour des joueurs un peu comme moi là, qui ont déjà été expulsés à multiples reprises dans le passé. Ça y fait plaisir, je pense. Ouais. Ben moi, je suis content qu'il s'en aille. Il commence à être temps. Il n'est pas si smart que ça, premièrement. Hein. Mais comme j'ai dit, c'est pendant le match, c'est acheté un nouveau nœud papillon au début de la session. Donc, je me demande qu'est-ce qu'il va faire avec ça dans la vraie vie. Ah. Peut-être jouer à Lim avec ça. On sait pas. Peut-être s'envoler. Il y a eu d'autres pénalités pour retard de jeu et pour confusion dans le match d'hier. Des impros à thématique film de sport traduit en français. Ouais. Donc, film de sport traduit en français, là, ça. Traduit en français, il aurait pu avoir deux visions de la chose. Moi, je suis un grand amateur. Un petit amateur, je connais beaucoup de personnes qui connaissent beaucoup plus que moi, tu vas me voir où je m'en vais. Le film Lancer, frapper, Slap Shot. Ce film-là est traduit de. C'est un chef-d'œuvre de la traduction québécoise. Absolument, absolument. Mais ça aurait pu prendre cette tournure-là. Donc, ce qui n'a pas été nécessairement le cas, ça n'a pas été dans le gros la vulgarité à la slap shot. Non, absolument pas. C'était des films comme Million Dollar Baby en bébé à un million d'écus, je sais pas trop quoi. Donc, des trucs comme ça. Donc, des traductions littérales, je pense, plus que des traductions correctes pour le public. Exact. Conférence de presse, qui a eu encore une de nos impros préférées. Moi, je pense que c'est une de mes catégories favorites, Mathieu. Oui, moi aussi. Parce que ça laisse vraiment place à. En fait, c'est un joueur qu'on met sous le spotlight sur la scène. Puis le restant des participants lui posent des questions. Puis des fois, il y a moyen de le mettre assez dans l'eau chaude. Donc, c'était vraiment intéressant comme duel cette fois-là. On a eu droit à les deux capitaines, en fait, qui ont été interviewés par l'autre équipe respective. Ouais. Puis c'était assez comique, là. On a eu droit à un gars qui avait un club d'échecs, mais ils ont invité un programme d'échecs à joindre le club. Donc, ça a enlevé tout l'aspect compétition parce que, ils se font sacrer des volées par Gaspard 8, qui s'appelait. Gaspard 8. Puis, il y a une des questions que j'ai trouvé vraiment très, très drôle, qui est peut-être passée un petit peu sous le radar, mais c'est un journaliste qui a demandé est-ce qu'on a pensé à changer de jeu. Moi, ça m'a fait assez rire. Jouer aux dames. Battleship. Là. Pour ce match-là, les étoiles du public, Frédéric Bernard, ainsi que Marc Lachance. Ouais. Et à l'étoile de l'arbitre, Alexandre Lamizwicki. Oui. Comme je disais, les Bleus ont gagné 8-7. J'ai oublié de dire les étoiles du match précédent. Magali Brousseau-Arcan et Alexandre Marchand. Oui. Pour la semaine passée entre les Rouges et les Verts. Étoile de l'arbitre, Francis Dugré-Lampron. Oui, bien sûr. Maintenant, on avait un reporter sur le terrain seulement pour le match d'hier. Oui, mais en fait, il a dû faire sa chronique par la suite parce que c'était un topo des deux demi-finales, Mathieu. Ah. Tu vas voir que. Ah, tu vois. Il a fait ça, là. Il devait être comme 4 heures du matin. Là. Ah, ouais, après notre assemblée de ligue de fin de saison. Retournons dans le passé. Allons-y. Pour aller entendre. Et là, ça ne fêtera pas dans le nom du. Comment t'appelles ça de la chronique parce qu'on est rendu l'après-midi. Non, exact. Mais ça s'appelle quand même lundi soir, le matin. Le matin, l'après-midi du lundi soir. Genre. Allez! Vous écoutez lundi soir le matin, la chronique sur l'impro universitaire. C'est un véritable plaisir et un grand honneur pour moi de vous rencontrer une fois de plus à la radio de C'est Fou pour vous parler d'improvisation. Je vous ferai un petit topo sur la demi-finale des Rouges contre les Verts et celle des bleus contre des oranges. Le face-à-face ayant opposé les verts aux rouges s'est soldé par une victoire de l'équipe des verts. C'est donc dire qu'ils se rendront en finale. Ils seront opposés à une autre équipe. Pour ce qui est des rouges, leur saison s'est terminée en queue de poisson lors de ce match. Ils ont connu une bonne deuxième moitié de match, mais l'intensité n'était plus ou moins pas au rendez-vous en première moitié. C'est donc dire que les Verts ont ravi la victoire avec un jeu énergique et robuste. Place au l'autre. La demi-finale des bleus contre les oranges avait lieu hier soir. Ça s'est soldé par une victoire des bleus à l'arraché sur la dernière improvisation du match. Un match qui s'est terminé 8-7 pour les bleus dans des circonstances inimaginables. Les Bleus ont gagné ce match. Ils affronteront donc les Verts en finale. Les Bleus ont de leur côté une banque d'expérience immense, alors que les Verts ont la fougue de la jeunesse. Et pour tous les joueurs, il s'agit d'une première présence en finale. Je tiens à féliciter personnellement les joueurs des deux équipes qui ont été défaites. Félicitations et bon courage. Imaginons. Mais sinon. Ouais, ben oui. Est-ce qu'on joue de la chanson pour lui? Ben pourquoi pas? Wow. Moi, je suis quelqu'un qui inclut les gens dans la chanson. Absolument, t'es aucunement raciste de la chanson. Non. Ça, la chanson, c'est pour tout le monde. Voilà. Cet automne à TVA. Et voilà. La chanson, c'est pour tout le monde. Oui, ça va être bon. Donc, Gabriel Béhoud, on vient d'entendre ton petit résumé des deux dernières demi-finales. Oui. J'espère qu'on va te retrouver la semaine prochaine pour parler de la finale qui aura lieu le soir d'avant. Fort probablement. Et là, moi, j'ai des entrevues avec le monde, là, puis ça fera ben mal. Oui, ben oui. Pas de paresse. Non, non, c'est sûr. Ben, en fait, là, c'est spécial, des circonstances particulières qui ont fait que j'ai pas pu interviewer des gens. On comprend ça. Il y avait une grosse réunion là, d'après-match, là, un gros exactement. Assemblée. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est le fun, pareil, parce qu'on a pu déterminer plein de choses. Là, pour l'instant, sont encore secrètes. Oui, mais... On peut pas dire tout là, ce qui s'est passé. Non, non, soir. Pas du tout. Rien, même. Comme, mettons, les capitaines de l'an prochain. Il y en a qui reviennent, il y en a qui s'en vont. Hey, Mathieu. Quoi? La semaine prochaine, ouais. C'est la finale. C'est les... Vert contre les bleus, c'est ça? C'est exactement ça, oui. Et parce puis, que les rouges, comme les tiens, sont des losers de perdants. Ouais, oui, bon, merci Mathieu. C'est un plaisir. De tourner la fer rouge dans la plaie rouge. Oh, fer, fer. Tu comprends? Oui, oui, c'est ça, j'ai besoin de fer, je pense. Ben, là, Mathieu, là, après la finale, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gala. Oui, oui. Le gala du Monus. Ah, c'est là où je voulais en arriver, tu absolument. Comprends? J'ai de la suite dans les deux. Oui, ben, premièrement, bon, on va expliquer que la semaine prochaine, finale entre ces deux équipes-là, oui. On va co-animer toi et moi. Oui, bien sûr. Le dernier match, il faut qu'on soit le plus tight possible, on a une certaine complicité volontaire. Tu sais, moi, Mathieu, je suis d'une tightitude relative. Tightitude? Ouais. Je lave mon linge avec du tight, notamment. Oui. Oui, c'est ben, très vrai. Ben, je sais pas. Oui. Bon. important. Bref, après ça, il va y avoir le gala avec Céline de Zicode qu'on va animer ensemble. La charmante Céline de l'équipe des Oranges. Et là, on va donner plein de prix. Oui. Donc, il va y avoir le joueur de l'année. Oui. La joueuse de l'année. Oui. Joueur constructeur. Le joueur constructeur, oui. Joueur, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Apprécié du public. Oui, apprécié. Recrue de l'année. Absolument. Ce sont les deux trophées que je détiens dans la poste. Oh, ben Ouais. Je vais donc passer la ceinture à quelqu'un d'autre. Je vais regarder ton prix. Comment? Est-ce que tu as gardé ton prix? Oui, certainement. Bon, moi, je le garde, là. Je ne donne pas ça, par contre. Hein? Je passe la ceinture imaginaire, mais les deux prix, je les garde là-dessus. Excuse-moi. Oui. Je les partage. Non, mais je les flatte tous les soirs. Il n'est pas meilleur animateur? Qui? Il n'est pas meilleur animateur dans ces prix? Mais Mathieu, c'est sûr que tu gagnes un an à prendre. Et qu'on n'encourage pas le staff dans ces prix-là, Mosé. Je sais. En tout cas. Bref, donc ça va avoir lieu juste après le match la semaine prochaine. Oui. Sur la même scène, au même endroit, vous n'aurez même pas besoin de bouger. Oui, c'est ça, on attend sur place. Même que, en tout cas, après la finale, généralement, la tension est à son comble. Oui, parce qu'on ne nommera pas le gagnant de l'année avant que le gala soit terminé. Ben non, parce que là, le monde, ils vont faire des petits pets nerveux tout le long du gala pour savoir si oui ou non, gagne, par exemple, une catégorie individuelle, tu sais, les honneurs individuels, ouais. Art Ross, toutes ces affaires-là. Là. Ben là, on pourrait éventuellement gagner ça pour par la suite savoir quelle équipe gagne. Donc peut-être que les rouges ou les oranges peuvent gagner la finale, on ne sait pas parce que. On le dit après. Ah, voilà! Donc, voilà, c'est oui, ça. Oui. Le suspense va être vraiment là. Exactement. Donc, c'est la semaine prochaine, juste après le match, 18 avril. Ça commence toujours à 20h. Oui, ça va être arbitré par Antoine Lacasse. Oui. C'est une rotation demi-finale. Exact. 1, 2 il devrait avoir ses lunettes soleil. D'habitude, il y a toujours ses lunettes soleil. Ça me fait quand même bien rigoler. Absolument. Toujours accompagné aussi de ses arbitres assistants. Parle-moi-en pas. Pas capable de faire la job de ça, là, c'est ça? Non. Antoine, il est pas payé. Les deux autres, je les aime pas bien. T'es content d'en avoir un partir. Est-ce qu'on sait si Elodie revient l'année prochaine? On sait pas encore ça. J'espère que non. Eh boy! T'es méchant. Ben, t'es méchant! À un moment t'es donné, méchant! Là. T'es supposé être... Il t'écoute, là. T'sais, on va se le dire, c'est à cause d'un programme d'accès à l'emploi, c'est le ce poste d'arbitre, là, pour être la représentante de l'agente féminine sur notre panel d'arbitre. Comme la petite Mofat, là. Ben voyons donc, t'as donc bien quelque chose contre tout le monde, toi. Moi, la voix, j'adore ça, Mathieu. Hey! C'est pas vrai. Non, je les aime, Maxime. Tu veux parler de la voix? Non, surtout pas. T'as le droit de d'où parler. Jésus. Non, j'aime bien Hello, puis Max, c'est des blagues que je fais, là. J'ai appris beaucoup en les côtoyant. Là, ça, c'est peut-être des blagues aussi. On sait jamais qu'est-ce qui est vrai. On sait pas. Est-ce que c'est vrai? Non. Mais Mathieu, la finale, là, j'aimerais inviter pas mal tout le monde à venir voir pas ça. Pas mal tout le monde. Il y en a là-dedans qu'il faut dire qu'on aimerait mieux qu'ils viennent pas. Ouais. Ceux qui rient un peu trop fort. La personne à ma droite. Ouais, ceux qui ont une haleine de Chitaouk, de Falafel et compagnie. Il peut même pas se défendre en plus. Non, mais c'est ça qui arrive. Il peut se défendre en fait parce que... Attends, défends-toi là. Vas-y, défends-toi. Franchement, là, dénigrer autant les minorités, là. Regarde, là, tu me déçois. Terrible. Je comprends pas avec ton accent, je m'excuse. Qu'est-ce que tu veux, je suis bien intégré, moi. J'ai entendu d'immigrer autant les nationalités. J'ai entendu ça, moi, de sa bouche. Ouais. Fait que, c'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est non. ça. Moi, je sais pas, je comprends rien. Ouais. C'est la comprendre. Moi, Mathieu et Noël, là, du moment que à tous les jours, je peux manger ma petite poutine, là, tout baigne dans l'huile. Tous les jours, une poutine. OK, quelle sorte? Tous les jours. Oh, Jésus, ça, c'est une... D'où Jésus, aujourd'hui, ton patois, là, je te dis. Ouais, c'est... Mon Dieu. Moi, ça... Ah, il embarque la sauce, ça, oui. Mets-en d'autres jurons. Balance la sauce. Non, je pense que j'aime bien l'italienne. Ouais. Italienne, parce qu'italienne, c'est dur à manquer. Mamma mia. C'est ça. Hey, Mathieu, tu sais-tu quoi? Quoi? Je pense qu'il faut que j'y aille, j'ai cours. Il a cours. C'est dommage, parce que c'est vraiment pertinent comme segment aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est mieux que j'aille à mon cours parce que ça commence à déraper. Je pense que je préférais quand on parlait de nos déjeuners préférés. Je pense que oui. Les avez dit la dernière fois. Le camionneur, le camionneur. Le camionneur, mais le gourmand. Ah oh, ouais, le camionneur, le gourmand, le bûcheron. Le bûcheron. Toutes les personnes en plus, c'est rarement ce métier-là, la personne qui occupe ce métier-là qui mange. C'est vrai, hein? C'est rarement. On devrait appeler ça le gros porc ou le paresseux. Là, ça aurait plus de bon sens. Là, ça serait, porterait beaucoup mieux son nom, en tout cas. Ah ouais. Alors, on va te laisser là, ton peu importe ce que tu vas faire. Merci. C'est ça? Ça a l'air le fun? Oui. Est-ce que tu vas te prendre une petite italienne pour emporter et manger ça devant le monde? Ah non, je me suis fait un genre de craft dinner à la maison. Ah, wow! Avec de la saucisse dedans. Ouais. Ouais. J'ai cru remarquer ça. De la merguez, la saucisse de merguez. Non, j'ai... Un petit peu de crème sûre? J'ai de la... Ah, c'est des méchantes grosses saucisses! Ah ouais, c'est des très bonnes saucisses. Hein, Tania? J'en ai à buffalo. OK. J'en ai bacon cheddar. J'en ai au poivre. Au poivre? J'en ai une européenne, puis j'ai une bratwurst. Fait qu'il n'y a pas une bouchée qui va être pareille. Non, exact. Puis en dessous, c'est comme un genre de macaroni au fromage, mais maison. Il a l'air sec un peu, par exemple. Ça manque de sauce. Non, mais ça, quand tu fais chauffer ça, là... Ça fond, hein. Exact. Ouais. Tout fond. Attention à ton bœuf, je veux pas que ça, qu'il fonde. Non, ça... Oui, il commence déjà. Mais bon, salut! Sur cette pertinence, Gabriel Béhoud, on te retrouve la semaine prochaine, j'espère. Hein? Oui! OK, parfait. Bye okay. Bye. Merci, là! Bye! Au retour de la pause, on va recevoir quelqu'un pour parler des élections de la GEQTR. Oui, parce que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, aujourd'hui? Là, là? Que ça commence? Là, là, je pense que le là, là. Hier, là. On va y en parler tantôt, ça va être la fête. Mais pour l'instant, une petite pause à l'Assemblage Requis, restez là. Aujourd'hui. C'est fou. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bonjour toujours à Assemblage requis en ce mardi 12 avril pour la semaine du 11 avril 2016 et Natalia Baudin. Avec Mathieu Plante. Absolument. Et maintenant, ben, c'est une portion spéciale de l'émission en fait qui ne se reproduira pas fréquemment. Là. C'est-à-dire un invité spécial cet été, on n'a pas beaucoup d'invités spéciaux. Non, c'est vrai. Mais lui, il est particulièrement spécial tellement qu'il a participé à la chronique d'avant. Hey! C'est spécial ça. Ça, c'est être spécial. Frédéric Farid Borel, bonjour à toi. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Bon, donc c'est très cool ça que t'ailles bien parce que t'as toujours l'air d'un gars qui va bien quand je te croise. Hein? Cold as ice. Cool as ice. Et voilà. Ça mériterait une petite chanson qui dit You're as cold as ice. Ouais. Donc, de la GEQTR qui est là pour nous parler des élections qui commencent là, aujourd'hui, c'est bien ça? Oui, la période de vote commence. En fait, depuis hier, 23h45, les étudiants ont accès sur le portail à voter pour les prochains officiers qui font le bureau pour l'année 16-17. Ouais. Il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé à travers de ça parce qu'on avait entendu dans les médias, là, genre Zone Campus, que la période des élections était plus tôt que ça, originellement prévu. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on doive refaire le processus au complet? Ben, en fait, c'est qu'il devait y avoir des vérifications de fait. Puis en fin de compte, on s'est ramassé à qu'on allait se retrouver avec beaucoup moins de candidats, donc on n'aurait pas pu avoir un bureau effectif à partir du 1er mai. Donc, par souci, le conseil d'administration a jugé bon d'étendre la période de présentation pour être candidat à la GEQ. Et pour le faire, il a fallu recommencer au tout début du processus. Oui. Ouais. Donc, justement, tiens, parlons du processus. Non seulement les gens peuvent voter, mais il y a aussi eu avant ça d'autres étapes qui ont déjà été franchies. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Oui, ben en fait, la semaine passée, c'était beaucoup les candidats. C'est la première semaine de campagne. Donc, il y a eu le traditionnel pose des affiches, etc. La rencontre des candidats. Hier, il y a eu aussi le débat des candidats de la GEQTR. Donc, c'était somme toute très intéressant parce que les étudiants pouvaient aller poser leurs questions. Puis, il y avait déjà des questions préparées par le comité des élections. Donc non, somme toute, ça a bien été. Puis il y avait aussi, on donnait de la pizza, question de bien nourrir nos membres. T'attirer le monde. Ben non, bien nourrir, on veille à la bonne santé de nos membres. Donc de la bonne pizza, puis la bonne franquette, puis dans une ambiance de franche camaraderie. Ça a bien été le débat, comment c'est passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur chaque poste? Est-ce qu'il y a encore des chaises comme à chaque année? Oui, il y a encore quelques postes qui ont juste une seule candidature. Pour le reste, je crois qu'il y en a trois où il y a plus qu'un seul candidat. Ah, c'est bien ça. Donc, oui, non, ça va quand même assez bien. Puis le débat, dans l'ensemble, s'est bien déroulé. Donc, Il n'y a pas de poste complètement vacant où personne ne s'est présenté? Non. Hey, ça, c'est le fun. Je pense que ça a aidé aussi également, vu qu'on a fait une extension, en fait, de la campagne d'affichage pour les candidatures. Donc, c'est sûr, ça a dû jouer. Ouais. Parlons-en justement des candidatures. On a vu plusieurs affiches sur le campus depuis les derniers jours, au moins, avec des photos un petit peu louches. Il y en a une avec un chien, avec un chat, une avec SpongeBob SquarePants. Il n'y a pas de règlement sur l'affichage. On peut mettre n'importe quoi. Hein, c'est ça. Il y en a un, c'est un chat. Ouais. Même pas la face du gars, juste un chat. Ouais. On voit que ton opinion là-dessus doit avoir l'air d'être un petit peu négative. Fait que tu veux pas non, non, je me prononcerai pas là-dessus. Tu sais, je laisse les candidats parce que moi aussi, à l'époque que j'étais officier à la GEQTR, je me suis quand même gâté sur quelques affiches. Mais c'est encore une fois laissé à la créativité. Puis c'est aux membres après à en juger et décideront par la suite si c'est... c'était des bonnes idées d'affiche. Ils veulent un membre plus sérieux, un membre un petit peu plus près de la communauté en temps drôle, des trucs comme ça. Donc, tu disais que les gens ont jusqu'à quelle date pour voter sur le portail? Ils ont jusqu'au 14 avril, 23h45, pour exercer leur droit de vote. Et également, le lendemain, à midi, il y aura l'annonce des résultats, la chasse-galerie. Donc, et le mandat pour le prochain conseil exécutif sera à partir du 1er mai. Période symbolique. Il y a une période de transition entre les deux. Les anciens officiers vont pouvoir coacher un petit peu les nouveaux. Oui, c'est ça. Ben, à partir, je dirais qu'il y a déjà des gens qui, déjà juste avant même l'affichage des postes, ils allaient poser des questions. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un SecGen ou un VP à cadre. Donc déjà, il y avait des gens qui allaient chercher de l'information. La transition en tant que telle se fera à partir de vendredi. Mm-hmm. Donc, il va y avoir déjà des échanges de dossiers. Puis, parce que c'est une grosse bébite, la GEQTR. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir comparativement. La transition d'habitude dure un mois. Et là, ça va être juste deux semaines. Donc, ça va être en accéléré. Mm-hmm. Toi, justement, tu es dans le GE en ce moment. Oui. Qu'est-ce que tu y fais? Je suis conseiller exécutif. En fait, je suis un peu la mémoire institutionnelle, Mathieu. Ça fait longtemps. Ouais. Comme toi, on se croise. Toi et moi, on se voit. Ça fait quelques années. On est des piliers de nos corporations. Ou des meubles. Mais en tout cas, on supporte. On est là en support, mais c'est ça. Bon, mais oui, super. Bienvenue. Ouais. Mais en fait, moi, je suis là en support pour les officiers. En soutien, autant sur des aspects académiques, politiques, finances, je m'y connais quand même un petit peu, mais c'est vraiment d'arriver puis d'aller aider les officiers puis de dire, tu sais, supposons un officier me demande sur un projet X, tu sais, on réinvente pas le bouton à quatre trous ou à quatre roues, là, comme disait un ministre, ouais. Donc, tu sais, c'est vraiment dire les conseiller, les guider, tu sais, c'est sûr que les officiers ont le dernier mot, le choix. Mais moi, je suis là pour les mettre dans les meilleures conditions possibles pour que ça aille bien, là, pour qu'il y ait une belle année. Ouais. Ce qui intéresse le plus les gens d'habitude, c'est la présidence. Est-ce que le président se présente seul cette année? Oui, c'est M. Alexandre Marchand. Il est tout seul à son poste. Également, j'ai oublié de faire mention, outre sur le vote, il y a un vote sur le référendum sur l'affiliation nationale, ouais. qui va être en même temps, dans le fond, qui est sur le bulletin de vote, la première question. Donc, ça aussi, on n'en a pas beaucoup entendu parler, en tout cas du moins, mais il y a aussi une question référendaire. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'on fait ça à la GEQTR, il me semble, depuis en tout cas très longtemps, de mettre une question référendaire en plus du choix des candidats. Ça, ouais. C'est très américain, d'ailleurs. C'est très anglo-saxon. Aux États-Unis, supposons, tu choisis ton député, ton sénateur, le shérif, le gars de la voirie... Donc, tu sais, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est très peu fréquent dans les universités francophones au Québec. Mais j'ai hâte de voir comment ça va, le résultat, puis voir après, on va tirer des conclusions. Et les gens doivent voter pour les deux réponses, dans le fond, lorsqu'ils rempliront leur formulaire sur le site, sur le portail. Oui. T'as pas le choix, faut que tu choisisses les deux réponses. Oui. Donc, c'est vraiment sur une seule fiche. Ouais. Comment est-ce que les gens peuvent se renseigner par rapport à ça, justement, non seulement les élections, mais sur le référendum, si on veut en savoir plus pour bien voter? Oui, déjà, il y a un comité référendum et il réfère beaucoup au site de l'AVEC qui est avec nous. Donc, les gens peuvent aller visiter le site, se faire une tête, puis voir. Ouais, AVEQ, puis faites attention, c'est pas l'Association des voitures électriques du Québec. Donc, c'est Association pour la voie étudiante au Québec. Ouais. Donc, ils ont juste à aller voir ça, c'est AVEQ. Avec nous, googlez ça, vous allez voir, c'est très facile. Puis en même temps, vous allez pouvoir prendre connaissance des dossiers, vous faire une tête et savoir si oui ou non la AGEQTR devrait devenir membre de cette association nationale. Ouais. Et pour les élections en tant que telles, c'est sur AGEQTR.org. Oui, puis il y aura je vais rédiger un communiqué de presse aussitôt qu'on aura les résultats. Ouais. Puis, page Facebook aussi. Oui, bien sûr. Toutes les informations sont là si vous prenez le temps d'aller chercher un petit peu. Un petit peu de recherche. Là. Ouais. Et prenez le temps. Oui, prenez le temps. C'est important. C'est très important. Voilà. D'ailleurs, sur le YouTube de la GEQTR, il y a déjà des sections, des parties du débat qui sont en ligne. Donc, si les gens ne se sont pas fait encore une idée, au moins, ils peuvent regarder les débats. C'est en quatre parties, là, puis ils peuvent skipper des bouts ou peu importe. Mais en tout cas, s'ils n'ont pas une idée précise pour un candidat ou un autre, ben, ils ont la possibilité de voir le débat. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Rappelons les dates et l'endroit pour voter. Ben, sur votre portail étudiant, du 11 au 14 inclusivement. Ouais. Donc, sur votre portail étudiant, puis On aimerait ça qu'il y ait une grande participation pour l'élection des nouveaux officiers. Voilà qui est dit, on souhaite. On va savoir la semaine prochaine le pourcentage de participation. C'est toujours excitant de savoir ça. Ça monte depuis quelques années quand même. Oui, quand même. La participation, puis aussi les façons de faire, je dirais, au niveau de la stratégie pour inciter les gens à aller voter. Ouais. Puis dire que c'est important aussi également que, peu importe, là on parle d'association étudiante, mais dans la vie, la société civile, je crois que c'est important que les gens aillent voter. C'est un droit qui a... Je suis historien de formation, là. Donc, tu sais, je veux dire, les gens se sont battus pour avoir ce droit-là. Puis des fois, on a tendance à ironiser, dépendamment des politiques, etc. Mais ça reste toujours un... Ça a été une lutte qui a été menée pour ça, autant pour le vote... At large, le vote des femmes. Les femmes ont le droit de voter, exactement, c'est ça. Yes. Même à ça. Ouais. Est-ce que vous allez encore approcher les gens un petit peu? Il me semble qu'il y a des années où à la cafétéria, où il y avait des petits kiosques pour voter. Oui, là, c'est laissé à la discrétion du DG. Je ne sais pas encore s'il avait décidé d'implanter des kiosques, etc. Parce qu'on sait, c'est d'une année à l'autre, ça change selon la personne qui est en charge des élections. Mais je crois déjà, en ayant diffusé les liens sur le Facebook de la GUQTR, donc déjà les gens vont avoir l'information qu'il faut puis pouvoir aller voter maintenant avec les technologies. La vie est belle. Ah ouais, ouais. Frédéric Farid-Borel, merci beaucoup d'être passé à l'émission. Et, merci à vous deux. On te réinvite si jamais t'es dans le coin la semaine prochaine pour reparler des résultats. Ben oui. Ça serait bien le fun aussi. Oui, ça va faire plaisir. Je pourrais peut-être même amener le nouveau président. J'aimerais et voilà. Ça. Ce serait cool. Merci. Ça serait vraiment beaucoup. Bien. On s'en reparle. OK, merci. Bonne journée à toi. Merci. Toujours à Sondage Rocky, j'ai dit en début d'émission qu'on allait entendre une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Pourquoi ne pas aller entendre la position numéro 20, Tania? Bien oui, c'est comme tu le disais, une nouvelle entrée parce qu'on n'a pas toujours deux palmarès. Donc cette semaine, on a la chance d'en avoir un nouveau. Et la 20e anglophone, c'est No Direction Home de Cheap Trick. À Sondage Rocky sur C'est fou! Coming Home sur l'album Bang Zoom Crazy Hello, nouvelle entrée en 20e anglophone. C'était Rox, hein? C'était très rock. Rock and roll. Maintenant, voici Tania Baudin et Tania's Gonna Entertain Ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. Just gonna entertain ya. On n'est pas sur le beat sur les claquements de doigts. Attends un peu. Tac, tac. Les oiseaux sont pas sur le beat. Ah, c'est les oiseaux qui ne suivent pas, en fait. Tania. C'est pas nous le problème. Non, elle blâme les autres, Tania, est-ce que tu connais, c'est la chronique où tu nous divertis avec un sujet toujours différent chaque semaine. Et aujourd'hui, tu nous parles d'un de tes sujets préférés. D'un de mes sujets préférés. Il faut arrêter de penser que je suis une alcoolique finie. Mais t'as changé, il faut le dire, t'as changé. Tantôt, tu me parlais de ton horaire d'alcool qui a été modifié depuis les derniers jours. De mon horaire d'alcool qui a été modifié. Le mois de février sans alcool a laissé des traces sur le reste. Exactement. Sur le reste, bien, c'est surtout sur le mode de vie. Mais en fait, c'est un petit peu quelque chose que l'on voit couramment ces temps-ci. C'est les gens qui vont décider vraiment de changer leur habitude de vie pour mieux manger, faire plus d'exercice. Ça se voit de plus en plus. Je veux pas dire que c'est quelque chose que les gens recherchent automatiquement, mais c'est quelque chose qui est quand même assez, allons-y avec les guillemets, à la mode. Ouais. Ça se voit beaucoup chez les célébrités, ça se voit aussi chez les personnalités québécoises comme canadiennes. T'es les deux, toi, en passant. Faut voilà. Dire, là, t'as une page Facebook de... Ben oui. Alors, de ce côté-là, on voit ça de plus en plus. Mais ce qui arrive, c'est que surtout à notre âge, milieu vingtaine, début trentaine, il y a quelque chose que l'on ne veut pas automatiquement couper comme on couperait les calories dans le sucre, dans le chocolat, dans les chips ou quoi que ce soit. C'est l'alcool. Mm. S'il y a bien quelque chose qui a été montré depuis plusieurs années comme étant quelque chose qui est très, très rassembleur, c'est une bonne coupe de vin entre amis ou une bonne bière au bar, au pub du coin avec les gars. Pendant une game de hockey, qu'est-ce qu'on va pas boire? Bien, automatiquement, bien souvent, ce que l'on va voir, c'est des gars qui vont boire une bière. C'est pas considéré comme un vice, mettons. C'est pas considéré comme un vice, à moins que ça tombe dans l'excès automatiquement. T'as bien raison, mais de ce côté-là, c'est quelque chose que l'on va moins voir. Par contre, ça se voit de plus en plus ces temps-ci où les gens, justement, quand ils vont prendre la décision de changer leur alimentation ou de changer leur mode de vie sur beaucoup de choses, vont se mettre à moins boire. Et ça m'a posé la question, en fait, est-ce que c'est vraiment juste pour, encore une fois, cette fameuse tendance-là, entre guillemets, cette fameuse mode-là, de dire « OK, j'arrête, je diminue ma consommation d'alcool parce que tout le monde le fait », ou ça a vraiment un impact sur mon corps, sur moi, qu'est-ce que ça change automatiquement? Et je me suis posé la question et j'ai fait quelques recherches. En fait, t'étais là avec moi au moment où j'ai fait mes recherches, parce que je dois l'avouer, une heure et demie avant l'émission, mesdames et messieurs. On savait pas de quoi préparé, c'est, ouais, c'est ça, ouais, c'est on est super bien préparés. C'est en mode estival, ça. Ben oui, exact. Donc, on prend ça lousse. on discutait de ça en buvant une petite verre de vin, mais non, c'est pas vrai. C'est ce mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui arrive à ton corps lorsque tu lui donnes beaucoup moins d'alcool? Ouais. Donc, de ce côté-là, je parle pas vraiment d'automatiquement... abandonner la consommation. C'est ça, c'est pas un sevrage. C'est pas comme le fameux challenge du mois de février où tu passes 28 jours sans boire de l'alcool. C'est vraiment de diminuer. Il y a des gens aussi, il faut comprendre, au niveau universitaire, il y a des recherches qui le disaient lorsqu'on a déjà parlé d'alcool, où c'est le moment dans une vie où quelqu'un va consommer le plus d'alcool dans sa vie. C'est au moment où il est à l'université, qu'il est aux études, parce que le stress de cette fameuse première job-là, cette première fin de session-là, ce fameux stress-là qui englobe les études universitaires et les études supérieures, ça vient souvent avec une consommation d'alcool qui est plus élevée. Donc, de ce côté-là, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que ça change si on diminue de beaucoup notre consommation? Parce qu'il y a plusieurs gens qui ça va pas être simplement 3 verres par jour, par semaine, ça va être 5-6 verres par jour. Donc, de ce côté-là, quand on fait... On vous juge pas. Bien, on vous juge pas, mais quand on fait une modification, automatiquement, il va y avoir des répercussions. Donc, qu'est-ce que c'est que ces répercussions-là sur notre corps exactement? Mais de ce côté-là, automatiquement, c'est sûr que vous allez voir que vous allez perdre du poids. Vous allez avoir une facilité plus grande à perdre du poids parce que cette fameuse consommation d'alcool-là, c'est une consommation de calories qui est vide. Oui. C'est des calories qui donnent absolument rien à notre corps. Oui, de ce côté-là, ça va faire activer quelques systèmes dans notre corps. Donc, ça va le faire... digérer de ce côté-là. Ça va venir donner quelques sucres à nos muscles, mais ce sont des sucres vides. Donc, c'est des calories que l'on prend en plus, peut-être quoi, 2 à 3 fois semaine pour la plupart des gens qui consomment de l'alcool. Et ce sont des calories qui sont entièrement vides parce que ça ne donne pas de bénéfice à notre corps. Donc, si on diminue notre consommation, automatiquement, on va commencer à couper à peu près 150 calories par verre. Bon. Sur notre corps. Et si on met ça par année, si on prend exemple quelqu'un qui boit peut-être 5 verres d'alcool par semaine, là, c'est pas énorme 5 verres d'alcool par semaine. Si on calcule ça, en chum, c'est peut-être une sortie au bar. Ouais, c'est ça. C'est peut-être juste ça. C'est peut-être une sortie au bar ou encore 2-3 verres de vin par semaine, 2 fois par semaine. Donc, quelques rondes de shooter aussi, à un moment donné. Exactement, ouais. Tu sais. Donc, de ce côté-là, on couperait à ce moment-là, sur une année complète, 39 000 calories. Wow! Mais ce que je comprends pas, c'est que tout le monde milite pour que dans les restaurants, on affiche le nombre de calories pour un burger ou des trucs comme ça, parce que c'est vraiment important. Mm-hmm. Mais s'il y a de quoi, les gens, en général, boivent quasiment plus d'alcool qu'ils mangent du fast-food. Ouais, c'est comme ça ouais. qu'on ne demande jamais de mettre les calories dans les bars. Oh, dans les menus. C'est pas fou, hein? C'est pas fou. Mmh. Ça serait peut-être bien. Ben oui. En théorie, sur une bière, tu l'as sur le dos, mais quand si je me souviens fût, bien. Tu l'as pas. Mais quand c'est en fût, tu l'as pas. C'est vrai que ça serait peut-être une bonne chose de pouvoir demander. Je comprends pas que personne l'ait. En tout cas, moi, j'ai pas vu personne militer pour ça. Ben, il y a la Canadienne 67 qui est sortie avec simplement 67 calories dedans, justement pour dire qu'elle était peut-être moins calorique et qu'elle était meilleure, entre guillemets, pour la santé. C'est à moitié. Si tu m'as dit que 150 calories. Oui, 150 calories. Donc, c'est vraiment littéralement presque entre une légère et une complète. C'est mm-hmm. comme au milieu. C'est exactement. Il faut que tu en bois 2 fois plus pour avoir le même nombre de calories. Oui. Environ. C'est ouais. sûr. Overall, là, en tout, on devrait se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus heureux, beaucoup plus en santé. On va voir une espèce d'amélioration du côté du métabolisme. Donc, peut-être que notre alimentation, notre digestion va être meilleure de ce côté-là parce qu'on ne vient pas ralentir tout le système. Lorsqu'on a une bonne consommation d'alcool, disons 2 à 3 fois par semaine, c'est quelque chose qui peut ralentir le système parce que l'alcool, souvent, exemple, on parle de vodka ou quoi que ce soit, ça va venir ralentir les battements de cœur, ça va venir vraiment calmer tout ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, de ce côté-là, c'est peut-être pas la meilleure des choses de calmer tout ça pendant une longue période, surtout si on veut faire des changements qui sont assez remarquables dans notre environnement à nous. Si on se met à s'entraîner, si on se met à mieux manger, mais qu'on continue à boire sur une fréquence comme on avait, eh bien, de ce côté-là, c'est, nos efforts ne servent absolument à rien parce qu'on vient tout démolir avec la consommation d'alcool. Oui, logique. Qu'est-ce qui arrive à notre corps lorsqu'on arrête de boire du vin pendant 2 semaines? Eh bien, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience, une Montréalaise qui a fait l'expérience de savoir qu'est-ce qui se passait dans son corps à elle et avec certaines de ses amies. Qu'est-ce qui se passait avec 2 semaines sans vin? C'est la seule alcool qu'ils ont testé sans vin, mais ils ont pris 2 semaines pour dire on boit pas d'autres alcools ou quoi que ce soit. C'était des buveuses de vin automatiques, mais... c'est un réflexe de boire c'est du vin. C'est ça. Ils aimaient mieux le vin que d'autres sortes d'alcool. Donc, s'ils sortaient déjà en partant, elles buvaient du vin. Donc, c'était leur alcool préféré, ouais. disons ça comme ça. Donc, elles ont coupé là-dessus. Et ce qu'elles ont remarqué, c'est qu'au début, on est très, très, très fatigué. Ah. Lorsqu'on va commencer à diminuer notre consommation d'alcool, ça va être très fatigant parce qu'en fait, c'est vraiment tout un changement dans notre corps. On parlait de sevrage tout à l'heure. Même 2 semaines, ça peut s'avérer être un sevrage pour certaines personnes, mais surtout pour le corps. Parce que dès la première semaine, on risque vraiment de voir une grosse fatigue de plus pouvoir arriver à rien faire. On va se sentir très, très fatigué et sachez que c'est normal. C'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'alcool se transforme en sucre dans l'organisme. Donc, de ce côté-là, on demande en temps normal, quand on a une bonne consommation d'alcool, d'avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir combler cette espèce de sucre-là qui vient en trop grande dose dans notre système. Donc, si on diminue ça, on n'a plus besoin d'autant d'énergie pour venir combler avec l'alcool. Donc, notre corps est un petit peu plus sous le mode relax pendant quelques temps. Et sachez que c'est une sensation qui va partir avec le temps si vous continuez à diminuer votre alcool. Ça va pas rester. Là, vous n'allez pas être amorphe pendant 3 ans si vous commencez à diminuer votre consommation d'alcool. Ensuite, vous allez voir, il va y avoir un regain d'énergie et vous allez mieux dormir. Ah. On dit souvent que l'alcool, ça va aider à dormir, mais sachez que c'est pas nécessairement vrai. C'est simplement les étourdissements ou encore... T'as envie d'aller te coucher, mais t'es pas nécessairement plus fatigué. C'est ça, t'étais pas nécessairement plus fatigué. Et c'est qu'il faut surtout savoir que l'alcool interrompt les stades du sommeil qui font en sorte qu'on se réveille encore plus fatigué le lendemain. C'est qu'on l'alcool qui était dans notre corps a vraiment mis des stops durant notre nuit de sommeil. Et c'est ce qui va venir alterner nos phases de sommeil. Ouais. Et ce qui va faire en sorte qu'on va être beaucoup plus fatigué le lendemain lorsqu'on se dit « hangover », c'est à cause de ça. C'est parce que notre nuit de sommeil, sans s'en rendre compte, a été interrompue à plusieurs reprises. Donc, si on diminue notre alcool, on va avoir une meilleure nuit de sommeil. Et là, ça va découler sur beaucoup d'autres effets. On va avoir une meilleure peau, on va avoir... Les dents aussi. Oui, avec les dents. Avec le vin, je crois que ça affecte les dents pas mal. C'est vrai, t'as bien raison. Mm-hmm. Je parlais de peau. Eh bien, notre peau va être de plus en plus belle si on diminue notre consommation d'alcool. Parce qu'on se sent déjà super déshydraté après avoir bu, si c'est simplement une bière. Mais on va le ressentir. On a une déshydratation qu'on ne viendra pas toujours combler avec une bouteille d'eau ou un verre d'eau lorsqu'on est dans un endroit public ou encore même à la maison. Parce que, disons-le, on aime quand même consommer notre verre de vin ou notre bière. Donc, de ce côté-là, on ne voudra pas nécessairement venir casser le goût avec de l'eau. Par contre, du côté hydratation, c'est quelque chose qu'on devrait faire parce qu'on empêche notre corps d'être hydraté au maximum. Donc, de ce côté-là, notre peau va vraiment venir avoir un effet négatif si on a une consommation d'alcool assez élevée. Si on la diminue, vous le saurez, vous faites l'expérience, vous allez voir par vous-même, votre peau va être beaucoup plus lumineuse, elle va être beaucoup plus élastique. C'est justement parce que vous lui donnez la chance de se réhydrater au fur et à mesure que vous consommez plus d'eau ou de boisson qui n'est pas nécessairement de l'alcool. Les efforts au gym vont être beaucoup mieux mérités si vous diminuez votre alcool, comme je le disais tout à l'heure. Si vous passez votre temps à dire « je vais changer mon alimentation, je vais m'entraîner plus », mais vous ne faites rien, absolument rien sur la consommation d'alcool, bien sachez que vous venez de rayer tous les efforts que vous faites au gym. Donc, si vous diminuez votre consommation d'alcool en même temps que de faire tous les changements dans votre vie, bien sachez que c'est là que vous allez pouvoir voir justement ces efforts-là au gym prendre forme dans votre propre environnement et c'est là que ça va être bénéfique. Mm-hmm. Vous allez avoir une meilleure concentration si vous diminuez votre consommation d'alcool. Là, on parle encore une fois de vin pendant plus de 2 semaines. Donc, simplement sur 2 semaines, on voit tous ces changements-là. Si on le fait à long terme, on peut voir que ça va être très, très, très changeant. Et au cours d'une année, bien, on va se ramasser avec des bénéfices qui vont être vraiment mieux. On va avoir une meilleure concentration. On va peut-être... qui sait, si on n'est pas concentré... Ça arrive dans n'importe quelle sphère de notre vie, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit sur la route. Déjà en partant, si on est plus concentré, on va se sentir mieux. Ouais. On va se sentir plus alerte. Donc, de ce côté-là, c'est toujours mieux de diminuer notre consommation d'alcool. Arrêtez si on veut pas faire complet. Des changements. Modérer. Non, c'est ça que je dis. Il faut pas décider de sevrer si en partant, on voit pas qu'on a un problème, là. C'est sûr que si vous faites pas de changement dans votre vie puis que vous vous en foutez, ben allez-y, tu sais, continuez à consommer l'alcool comme vous voulez consommer l'alcool. Mais il y a beaucoup de gens qui décident de prendre en main leur alimentation, leur entraînement et justement leur consommation d'alcool. Mais c'est quelque chose qui est très, très, très difficile. Premièrement, à notre âge, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune? Bien, on sort avec nos amis, on va sortir dans les bars avec nos amis et c'est souvent pas très mal vu, mais c'est souvent jugé que de prendre, exemple, un thé glacé ou une bouteille d'eau à la place de prendre une bière. C'est dommage, ça. Je comprends pas. Surtout si on avait, exemple, l'habitude de boire ou quand on sortait avec nos amis, là, on décide de faire un changement dans notre vie. C'est pas automatique que l'on veuille se faire juger sur ce que l'on fait ou quoi que ce soit. Donc, du moment que vous voyez un de vos amis ou une de vos amies sortir et prendre une bouteille d'eau, ben posez-vous la question. Premièrement, peut-être est-ce qu'elle conduit. Oui. Deuxièmement, peut-être est-ce qu'elle fait attention à ce qu'elle prend justement pour ces fameux efforts-là. Elle est enceinte. Peut-être être enceinte. Et quatrièmement, ben peut-être devriez-vous faire la même chose. Oui. Il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a rien de mal même là-dedans. Même que c'est souvent plus le fun de juger quelqu'un parce que t'es à jeun, puis voir le comportement oui, de l'autre oui. personne qui est saoule. Il y a aussi les problèmes de digestion. Moi, pas à la bière, oui. le houblon dans la bière donne des problèmes de digestion assez souvent pour c'est moi vrai. Et bien d'autres gens. Ben, c'est de l'avoine, hein? Ouais. Fait que de ce côté-là, ça fait beaucoup de changements du côté de on notre estomac. Ouais. Ben oui. Ouais. J'ai quelques conseils pour vous si vous voulez diminuer votre consommation d'alcool et non pas vous mettre au sevrage, là, comme on le disait. Ça, c'est pas un automatisme de dire « moi, je coupe tout dans ma vie », là. On parle vraiment de diminuer pour mieux bénéficier de ce que l'on veut améliorer. Donc, de ce côté-là, j'ai quelques trucs pour vous. Le premier, c'est de ne pas utiliser des sodas pour couper la boisson alcoolisée. Donc, exemple, des rum and coke, des vodka Red Bull, c'est ça. Un soda, hein? Ouais, vodka ouais. Red Bull. Allez-y pas avec les boissons qui sont vraiment bourrées de sucre. C'est pas la meilleure idée. Allez-y plutôt avec l'eau gazeuse, l'eau gazéifiée. Club soda, sinon. Club ouais. soda, exactement. Donc, ici, on va parler de vodka tonic, ouais. Gin tonic. J'ai jamais goûté au rhum tonic, là, honnêtement. Je pense pas que ça soit super bon. Mais faites attention de ce côté-là. C'est vraiment de venir donner à votre alcool un stop à la consommation de calories super grande que vous allez prendre durant la soirée. Évitez les alcools mix comme exemple les Smirnoff Ice, ouais. ce type d'alcool. Les drinks de filles, en guillemets. Ouais, les drinks de filles, là, comme un pina colada, là, ça équivaut à une consommation d'hamburger chez McDo. Oh, donc, posez-vous la question, parce que c'est vrai que c'est pas mis de l'avant, parce qu'automatiquement, les bars feraient peut-être moins d'argent. Donc, de ce côté-là, faites vos recherches. Si vous êtes du genre à boire 12 margaritas un soir, demandez-vous, vos 12 margaritas, ils équivaut à quoi? C'est peut-être là que vous allez faire un changement qui va être du type « Moi, je vais lâcher le margarita, je vais boire du gin tonic. » Tu sais, déjà en partant, c'est peut-être mieux comme ça. Un autre conseil, c'est de mettre du citron dans votre boisson. Pourquoi? Parce que ça va limiter le pic d'insuline que vous allez avoir en buvant. Donc, qui dit moins d'insuline, dit moins de formation de graisse dans notre système. Donc, de ce côté-là, mettre du citron ou de la lime, c'est une bonne idée pour venir diminuer notre consommation. Là. Est-ce que ça va ressembler un petit peu à mordre dans le citron puis licher quelqu'un? Là, ça? Comme prendre un shot de tequila. Mais à chaque fois que tu bois quelque chose. Ben, il y en a qui font comme ça. Liche hein? tout ton alcool sur quelqu'un. Ben oui, faites ça. Ouais. Écoute, c'est sûr que la moitié va être ramassée ailleurs dans ouais. le gilet de la personne ou quoi que ce soit. C'est... Et le dernier truc que j'ai pour vous de ce côté-là, c'est de boire simplement 2 à 3 verres. Pas trop, là. T'sais, en tout? Oui. Pendant la soirée. Ben, si vous sortez, exemple, ouais. Ouais, exactement, dans la soirée, si vous êtes du genre à vouloir diminuer votre consommation d'alcool, bien, vous faites soit prendre juste un verre si vous aviez déjà l'habitude d'en prendre 3, mais là, vous voulez diminuer. Si vous étiez du genre à en boire 6 lorsque vous sortiez, allez-y avec 2, 3 ou 1 ou 2 pendant la soirée et alternez avec de l'eau. Oui, puis buvez, c'est ça, buvez plus lentement. J'ai tendance à boire assez vite. Ben, je pense que c'est une des choses qui revient le plus souvent, c'est que les jeunes, on boit très, très vite ouais. quand même. Pas de paille non plus. Ça ouais. aspire à maudit. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ouais. pourquoi on boit vite. C'est peut-être parce qu'on a peur d'en manquer ou quoi que ce soit. Peut-être, oui. Mais on veut pouvoir en faire rentrer plus pendant la soirée. Mais je pense que ouais. c'est ça. Je pense que ça vient surtout des shooters. Quand on est dans une phase plus jeune, on est du type à sortir et à prendre que des shooters, par exemple. Ouais. Mais c'est peut-être pas la meilleure idée non plus parce que, oui, c'est plus court. Oui, c'est moins long à prendre. Sauf que, à la force d'alcool qu'il y a là-dedans, si on en prend 12 pendant la soirée, vous allez vous rendre au même point que si vous buviez 42 bières. Ouais. Pensez au prix que ça vous coûte aussi d'alcool. Même et si vous ne payez pas vos verres, même si c'est quelqu'un d'autre qui vous paye vos verres, imaginez combien ça vaut tout ça puis dites-vous que vous auriez pu faire d'autres choses avec ça. Tout à fait. Ouais. Et peut-être réduire le pourcentage d'alcool de vos boissons. Ouais. C'est quelque chose que l'on voit couramment. Si, exemple, il y a la bière Beck qui est à 0,5, je sais, je l'accorde, c'est peut-être pas la meilleure des bières. Ça goûte la moufette un peu comme la Heineken. mais voyez vous-même à votre exemple, à votre SAQ du coin, s'ils n'ont pas, eux, des alternatives en consommation de force d'alcool moins élevée. Donc, si vous étiez du genre, exemple, à boire du vin 13 % d'alcool, bien diminuer, aller vers un 7 % d'alcool. C'est même qu'il y avait du vin sans alcool, tu cherchais oui, un peu. C'est ça, c'est du vin sans alcool. La SAQ a une section qui est d'alcool moins élevé. Donc, ça va être des 0,5. Vous allez avoir des 0% aussi. Et la chose qui revient le plus souvent, ce sont les vins mousseux. Donc, du type champagne, les vins blancs... pétillant. Ça va être le genre d'alcool que l'on va retrouver qui va être moins élevé en alcool et qui va être meilleur pour la santé parce qu'il va être moins fort en calories. Donc, de ce côté-là, faites vos recherches et voyez ce que vous aimez comparé à ce que vous aimiez. Ouais. Et ce que vous voulez apporter comme changement dans votre vie. Faites attention aussi, je connais absolument rien là-dedans puis je parle à travers mon chapeau complètement, mais je sais que quand c'est écrit 0% de quelque chose, c'est 0% par portion. Fait que faites attention, si vous pouvez pas boire parce que vous êtes enceinte, faut y aller par, mettons, une coupe. Là, ça va être 0, quelque chose pour cent. Mais eux, ils arrondissent comme par portion, c'est marqué 0%. Mais... C'est ça. Alors, faites attention. Oui, voilà. Faites attention. Il y en a peut-être pareil. très bon conseil, Tania. Mais oui, puis je voulais juste vous dire une idée de type de calories que l'on retrouve dans les alcools que l'on va consommer. Exemple, si on sort, sachez que le gin, la vodka, la tequila, le whisky, le rhum et tout ça, par centilitre. Donc, si on y va avec 5 centilitres, exemple, c'est 60 calories. Mm-hmm. Un centilitre, c'est pas beaucoup. Non, là. C'est calculer le nombre de gin tonic ou de rum and coke que vous buvez dans une soirée, puis allez-y comme ça. Faites vos recherches, comme je l'ai dit, si vous voulez faire des changements dans votre vie, et gardez en tête que vous n'avez pas besoin de passer de commentaires si un ou une de vos amis décide de boire de l'eau un soir. Respect, tout le monde, respect. Ben oui, respect. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Tania Esgolin, tu t'es on fait ça chaque semaine dans Assemblage requis. Maintenant, on retourne à nos palmarès. On était rendu à une pièce francophone en nouvelle entrée en 19e place. Tania, on écoute Paradis avec une pièce titre de leur album qui s'appelle Toi et moi. Et ça se passe maintenant à Assemblage requis. Yeah. Ah, les petits oiseaux. Bye, les petits oiseaux. Bye. Une nouvelle entrée en position numéro 19 francophone, paradis avec toi et moi, à Assemblage Requis. Autour de la pause, plein d'autres choses, dont Marie-Christine Perra qui s'en vient avec sa chronique 20 et gratin et 20 gratuit. Gratin et 20 gratuit, les choses dans l'ordre. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Vous êtes assez fait, 89.1. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Toujours à Assemblage Requis en ce mardi 12 avril 2016 pour la semaine du 11 avril 2016, Natalia Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, nous sommes de retour pour une autre édition, une autre heure d'Assemblage Requis. Dans quelques instants, on va faire son foutu palmarès, mais avant ça, une autre pièce du palmarès, c'est celle de Black Mountain qu'on s'en va entendre en position numéro 19. Comment est-ce que ça s'appelle? Est-ce que tu l'as avec toi? Oui, c'est Florian Saucer Attack. Est-ce que c'est toi qui l'as? Non. Non? T'es sûr? Attends un peu. Florian Saucer Attack. Ça veut dire que je me suis perdu dans mes affaires. On va l'écouter tout de suite. Tiens, je l'ai. Ok. Black Mountain. Excusez-nous, on est perdu aujourd'hui. On est perdu. Florian Saucer Attack tout de suite à l'assemblage Requis. Et puis on va se replacer et on va l'avoir à l'affaire. We'll be right back. Mountain et Florian Saucer Attack à Assemblage Requis en position numéro 19 anglophone. Drôle de vidéoclip avec dessin animé assez louche. Disponible sur YouTube. Maintenant, ben tiens, comme on a du temps avant que Marie-Christine Perra arrive, plongeons tout de suite dans une liste dans un ordre plus ou moins précis. Voici son foutu palmarès. C'est la chronique dans laquelle, comme je disais, on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Comme on le fait une fois de temps en temps, une fois par mois, je te dirais, c'est de regarder les fêtes qui ont lieu pendant le mois d'avril, mais des fêtes évidemment hétéroclites. Pas des fêtes qu'on connaît et qu'on célèbre normalement. Mm-hmm. Donc, le printemps qui arrive et des fêtes assez louches comme le 1er avril, la fête nationale de s'amuser au travail. Ah, c'est bon. Bien, quand même. Évidemment, nous, on n'a pas de travail en ce moment, fait que c'est un petit peu souvent, mais en effet. On va s'amuser quand même. Ensuite, le 2 avril, c'est la journée internationale des combats d'oreillers. Ah, ça, c'est cool. Pas nécessairement avec la personne avec qui vous vous réveillez, ça peut être avec n'importe non, qui. Non, c'est ça. Donc, on peut les traîner au travail, justement. Le 2 avril, c'est la journée nationale des furets. OK. Un animal que je trouve un petit peu bizarre. En le regardant, je trouve ça a l'air louche. On dirait que c'est comme pas trop... C'est vrai, quoi, ce soir-là. C'est comme un gros rat. Mais bon. Toujours le 2 avril, c'est la journée nationale d'aimer votre... les gens qui... attends un peu. Qui produisent des légumes. OK. C'est ça? Exactement. Donc, des fruits et légumes. Produce, en anglais. Produce manager. Ensuite, le 5 avril, c'est la journée nationale de la pizza deep dish. Tu sais, les pizzas très, très profondes avec une grosse, grosse croûte, là. Mm-hmm. Ces grosses pizzas-là, j'adore ça. C'est tellement bon. Le 6 avril, c'est la journée nationale inspirée par Charlie the Tuna, qui était une mascotte en bande dessinée, en dessin animé, pour la marque Starkist, le thon en canne. Donc, une campagne publicitaire qui a eu lieu dans les années 80, jusqu'aux années 80. Charlie, le ton. Il y avait un slogan qui était « Sorry Charlie ». Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça la « Sorry Charlie Day ». C'est devenu une phrase connue aux États-Unis. Ensuite, le 7 avril, c'est la journée internationale des castors. Ah. Pas juste des furets dans la vie qui sont louches en les regardant. Les castors aussi. Le 7 avril, tiens, on va reparler un petit peu de bière. C'est la journée nationale de la bière. Une autre raison de célébrer et de boire. Ça, j'aime bien quand même. C'est très, très vintage. C'est le 11 avril, la journée du Barbershop Quartet. Tu sais, ceux qui sont habillés en lignée colorée et qui chantent a cappella ensemble, qui font de la musique avec leur voix. Donc, c'est un hommage à ces gens-là. Le 11 avril, la journée internationale de Louis Louis. Tu connais la chanson Louis Louis? C'est la chanson la plus enregistrée dans l'histoire du rock. La version la plus célèbre est par les Kingsmen en 1963. Donc, on célèbre cette fête en chantant cette chanson. 14 avril, c'est la journée de la célébration de la littérature pour adolescents. Hein? Donc, la teen lit, comme on appelle. Mm-hmm. Par exemple, bon, The Fault in Our Stars et d'autres trucs comme ça pour adolescents. Ensuite, le 15 avril, c'est la journée nationale de... Ah, ça, c'est poche! C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, oui. National That Sucks Day. Ah, OK. C'est aussi le jour des impôts aux États-Unis. C'est l'anniversaire du Titanic qui a coulé ce jour-là. Donc, pas une bonne journée pour personne. Le 16 avril, c'est la journée nationale des encanteurs. On suggère de célébrer cette fête-là en parlant bien vite. Hein? Mm-hmm. Le 18 avril, c'est la journée nationale d'être au courant qu'on est stressé. Donc, National Stress Awareness Day. C'est fondé sur la notion qu'habituellement, on n'est pas au courant qu'on est stressé. Donc, il faut se rendre compte de son stress pour peut-être le calmer. Peut-être avec de l'alcool. Hein? Ah, ouais, bon. Peut-être. Le 21 avril, c'est la journée nationale des bulldogs. Ouais, si vous saviez pas ça, les bulldogs sont de belles créatures. Je savais pas qu'il y avait leur journée à eux. Ben oui. Ben en fait, tout ça, sa journée. C'est pour ça que cette chronique-là est un peu n'importe quoi. Le 21 avril, c'est la journée nationale du high five. Hein, le top là, le 5 en l'air, oui. etc. Donc, n'oublie pas de garder l'œil sur le coude. C'est ce qui donne un bon high five. C'est quand on regarde le coude de l'autre. Il faut tout en faire ça. Ben oui. Sérieusement, ça aide vraiment beaucoup. Pour vrai, là, moi, je suis... Ça m'est jamais arrivé de regarder le coude de l'autre personne puis de manquer ma shot. Exactement. C'est, pour vrai, c'est une... Ben, pas une nouvelle connaissance, mais c'est récent que j'ai commencé à faire des high-fives comme faux. Oui, c'est vrai. Je suis très mauvais. Parce que tu regardes le coude. Oui. Ça, c'est ça. 22 avril, la journée nationale du Jelly Bean. Les fèves en gelée, je sais, c'est bon, ça. C'est ceux qui goûtent bonne, pas ceux qui goûtent le gazon ou le vourmi. C'est ceux qui goûtent bonne. C'est pas ce que j'ai dit. Non, OK. C'est... Attention, il y a des jeunes oreilles en studio. Les Jelly Beans, c'est correct. Il n'y a rien de mal à ça. Mais non, c'est ça, c'est les Jelly Beans qui goûtent bonne. Oui, bon. Bon? Oui, bon. C'est une Jelly Bean, un Jelly Bean. Moi, je dis un Jelly Bean. Un Jelly Bean? Je suis classique là-dessus. OK. Bref, c'est ça, c'est une fête du Jelly Bean. C'est aussi la fête de Ronald Reagan, on ne sait pas s'il aimait les Jelly Beans, ça ne dit pas dans l'article. 25 avril, c'est la journée nationale, non, la journée mondiale des pingouins. Oh! Chaque animal a l'air d'avoir sa fête, donc c'est vrai, hein? Les pingouins le 25 avril. 29 avril, c'est la journée où on prend soin des boules de poils de ses chats. C'est une fête nationale le 29 avril. OK. Donc on fait attention et on prend soin des boules de poils. Mon chat, je t'ai dit qu'il y a un problème à l'œil. Oui, ben oui, je sais ça. Porte un cône depuis peut-être 2 mois. Pauvre chat. Mais il n'y a aucune boule de poils. À cause de son cône. Fait que parce qu'il ne se lèche pas. Ben, il se lèche pas. Il se lèche pas. Ah. C'est pas parce que j'aime les chats qui ont des poils longs, mais étant donné que mon chat peut pas avoir de poils longs parce qu'il fait des boules de poils. Ça me fait donc bien rire, tout ça. Ouais, je sais, ben c'est ça. Donc, 29 avril prochain, on fait attention aux boules de poils de ces chats. Et okay. Voilà, c'était la liste des fêtes louches à célébrer pendant le mois d'avril. La liste sera sur assemblagerequis.com. Pendant que nous, on retourne entendre une autre pièce. On retourne du côté francophone. On était rendu à la position numéro 18, Franco. Mm-hmm. Tania, c'est par la formation Emerald. Oui, et c'est la pièce phare. Ouais, aujourd'hui, on parle aucunement de ces groupes-là. On vous dit pas de biographie là-dessus parce que c'est le festival, on s'en sac. En tant que ce soit bon, on s'en sac. Nous, on veut de la bonne musique. Phare, assemblage requis. Restez là parce que tantôt, c'est Marie, c'est de Perra et sa chronique. Gratin et vin gratuit. Vous êtes assez fous. sondage de pire. Toujours à Sondage Requis, ce mardi 12 avril pour la semaine du 11 avril 2016, c'est Tania Bonin. Avec Mathieu Plante. Je pense que Marie-Christine Perra aime cette introduction spécifique à la deuxième heure qui est par les résidus plasmiques. Oui. Tiens, maintenant, justement, parlons de Marie-Christine Perra. Elle est de retour pour le reste, j'espère, de la session et même de... Ouais, jusqu'à septembre, j'espère. Aux deux semaines, voici Gratin et Vent Gratuit. Raisin en grappe, fromage brie, des galeries d'art, elle se nourrit d'art d'œuvre, de photographie, d'art visuel en tréfluvie. Voici Gratin et Vin Gratuit. Ah, ça fait du bien de entendre oui, ça. Salut, Marie-Christine. Salut, Mathieu. Bonjour, Tania. Bonjour. Alors, vous allez bien? Oui, très oui, bien. C'est vrai que c'est un retour. Hein? Ça faisait un petit bout que je n'étais pas venue. Un mois, peut-être? Ben, je sais plus, là, parce qu'il y a eu, c'est mêlant, il y a eu histoire, des là. Problèmes là, financiers. Ben oui, mais là, on est de retour un après-midi. Ben oui, exactement. Il fait soleil dans le studio, on est content. Mm-hmm. Et on parle d'art visuel ensemble chaque deux semaines. Exactement. T'es allé voir plein de choses. Ça. Ben là, pas tant que ça, je te dirais. Puis même pour cet été, là, je me disais, oui, c'est vrai que ça serait bien d'être contredis-moi là. Contredis-moi donc. Sauf que souvent, c'est un peu tranquille. Mais en tout cas, on verra dans le temps comme dans le temps. Ouais. Puis j'ai avec moi, personne ne les voit, mais j'ai amené mes babouins avec moi. Tes babouins? Oui, j'ai... C'est fin, ça? Ben, c'est un beau mot affectueux. Pour les babouins, oui. Oui, oui, ben c'est ça, c'est très affectueux. Donc, j'ai mes filles avec moi. Donc, j'arrive de l'école, j'arrive d'enseigner aussi à d'autres babouins, mais beaucoup plus grands, finalement. Donc, je suis un petit peu essoufflée, mais ça va. J'ai été rencontrer la coordonnatrice de la galerie Artois plus tôt cette semaine, pour ne pas dire tantôt. Mais parce qu'il y a une exposition, en fait, qui s'appelle « Voir et se faire voir », qui se passe à la galerie Artois de l'université. Sur le campus, oui. Sur le campus. Donc, je vous invite fortement à aller faire un petit tour. C'est tout près de votre salle de cours. C'est ça, c'est des... en fait, il y a une collection d'œuvres d'art à l'université. Il y a au-dessus de 300 œuvres qui ont été acquéries. Qu'ils ont acquis? Ils ont été... Ah, mon Dieu, c'est pas ont, plus facile. Ils ont été acquises par la fondation de l'université. Ou en tout cas, du moins, il y a une réserve... Il y a une collection d'œuvres d'art à l'université. Okay? Donc, il y a 300 œuvres qui font partie de cette banque d'œuvres-là qui, ben là... C'est justement, il y a un problème qui s'est posé, en fait, en préparant cette exposition-là, la coordonnatrice, Lorraine Beaulieu et d'autres personnes qui gravitent autour de la galerie se sont rendues compte qu'il y avait un petit problème au niveau de l'acquisition d'œuvres et de l'entreposage et du respect même de l'œuvre d'art. Parce que c'est ils pas ils empilent dans le fond d'une salle, c'est quoi? Bien, pas nécessairement, mais disons, il y en a beaucoup qui sont... en fait, vous pouvez en voir, là, si vous êtes un peu attentif dans les bureaux administratifs, dans certains bureaux, dans certains corridors, un peu partout, il y a vraiment beaucoup d'œuvres qui sont à même les murs ou dans certains espaces, à la bibliothèque, il y en a. En tout cas, il y en a vraiment un peu partout. Si vous promenez dans l'université... Ça devient la décoration là, un peu de l'université. Un peu, là. Exactement. Donc, il y en a des fois qui, tu sais, ils sont pas trop conscients que c'est une œuvre d'art, parfois de... qui ont été acquises à l'université dans le temps que peut-être que la personne était étudiante, mais là, la personne, elle a continué d'évoluer dans le domaine des arts, fait que ça prend de la valeur quand même, ces choses-là. Il y a quand même un marché de l'art qui peut... Au Québec, c'est sûr qu'il n'est peut-être pas tout le temps super alléchant, mais disons qu'il y a quand même un marché de l'art, donc il y a certaines œuvres qui ont une bonne valeur monétaire. Est-ce qu'ils sont protégés? Ils sont juste sur le mur, on peut les enlever, il y a quelqu'un qui pourrait voler ça. Ah! Oui, mais là, oui, en théorie, mais je pense pas que ça a un si grand intérêt pour aller voler. Là, c'est pas la Joconde qui est dans le bureau de la rectrice, là. Mais quand même, c'est que... Du recteur, soit à jour dans tes nouvelles. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça a changé. Je suis tellement pas... On parle de problèmes financiers tantôt, ouais. C'est ça. Bon, OK, ben, voilà. Donc, dans le bureau du recteur. Donc, mais c'est que, comme par exemple, il y a une œuvre qui a... Manet qui a comme décollé un peu du cadre, puis ils ont remis de la gommette en arrière, fait coller. Fait que là, ça fait une espèce de gras puis de tache sur l'œuvre. Mais tu sais, c'est une œuvre qui vaut cher, mais qui a été abîmée parce que la personne qui l'avait dans son bureau, ben écoute, elle savait elle pas trop. Mais là, ça, c'est pas grave, personne leur en veut à eux, mais c'est qu'ils ont considéré qu'il y avait un manque peut-être d'éducation autour de la notion d'œuvre d'art, de la conservation et de la mise en banque, disons, d'une collection d'œuvres d'art. On prend ça un petit peu à la légère, des fois. Faire un suivi là-dessus. Fait que là, tout le monde qui avait une œuvre dans son bureau est parti avec le soir même. Ouais, c'est ça. Sachez que ça vaut quelque chose. Et puis, l'UQTR pour se remettre à flot. Oui, mais pour vrai, l'UQTR investit, je crois que c'est autour de 4 000 par année pour faire l'acquisition d'œuvres d'art. C'est pas tant que ça. Ben, c'est pas tant, mais c'est quand même un bon montant qui est alloué à ça. Il y a quand même un montant alloué à ça déjà qui c'est un bon départ, là. Ouais. Mais des fois, c'est fait un petit peu à la va-vite, OK? On va faire un appel de dossier. Moi, quand j'étais étudiante au bac en enseignement des arts, je recevais cette invitation-là. Donc, ils disent, la fondation de l'UQTR, mettons que c'est ça, là, fait l'acquisition d'œuvres jusqu'à concurrence de 4 000. Donc, proposez-nous vos œuvres. Donc, ils ne font depuis quelques années qu'acheter des œuvres d'étudiants qui sont, peu importe dans quel... qu'ils soient en enseignement ou en art visuel, mais qu'ils soient en première année ou en dernière année. Donc, ça ne veut pas dire que ça va devenir des artistes établis. Non, c'est ça. Parce que si moi, j'ai fait une peinture dans mon cours de peinture, aussi belle soit-elle, aussi... tout ce que tu veux, bien, elle n'a pas de valeur à part la valeur de la toile que j'ai achetée puis la peinture que j'ai mis dessus. Donc, elle vaut peut-être 8,50 ma toile. Mm-hmm. Je peux la vendre à Mathieu, exemple, dire « Ouais, je la veux, je te l'achète 60$, mettons. » On peut avoir un mini marché de l'art comme ça entre nous. Mais par contre, elle n'a pas de véritable valeur, à moins que je devienne une artiste plus établie. Mm-hmm. Oui. Parce que comment on détermine la valeur d'une œuvre d'art, c'est la durée de l'artiste dans le temps, dans sa démarche, la durée de l'œuvre dans le temps aussi. Donc, tu sais, si on fait l'acquisition d'œuvres d'art de n'importe qui, n'importe quel étudiant, puis après ça, cet étudiant artiste-là, après ça, il devient, caissière, là. Okay, c'est pas tous les artistes, les étudiants en art qui deviennent caissards, là, c'est comme ça que ça m'est venu comme ça. Et rien de mal là-dedans. Non, il n'y a rien de mal là-dedans non plus. Il n'y a pas de soumis. Mais ça veut dire que cette œuvre-là, elle n'a pas de valeur finalement. Mm-hmm. Elle n'a pas de valeur marchande, elle n'a pas de valeur sur le marché de l'art, disons. Donc, il y a cette petite négligence-là qui existe au sein de l'équipe là, d'acquisition d'œuvres d'art, ceux qui s'occupent de la réserve. Puis ceux qui s'occupent de la réserve aussi, c'est pas nécessairement les personnes sensibles à l'art. Pas qu'ils n'aiment pas ça, mais qu'ils connaissent plus ou moins ça. C'est une job pour eux. Donc, c'est ça. Donc, ils vont manipuler les œuvres un peu comme c'était des panneaux de bois, tu sais. Ouais. Donc, c'est pas grave. Il n'y a pas personne qui est fâché là-dedans, mais c'est que de monter cette exposition-là, ça le fait ressortir qu'il y avait certains problèmes à ce niveau-là à l'université, qu'il y avait un manque d'éducation finalement autour de l'œuvre d'art. Donc, je suis en train de faire l'éducation des auditeurs de C'est correct, ça. Ben oui, exactement. Donc, mais mis à part cette problématique qui a été soulevée, qui est quand même très importante, puis d'après moi, ça a soulevé des questions. Il y a des choses qui ont été dites, puis il y a sûrement des choses qui vont se faire aussi. Évidemment, il y a de la paperasse administrative, donc ça peut prendre du temps, mais je pense que ce processus d'acquisition-là gagne à devenir comme un petit peu plus rigoureux, disons. Mm-hmm. Donc, voilà, c'était le message politique... Éditorial. Donc, voilà, c'est parce que j'ai rencontré Lorraine Beaulieu qui s'occupe de la galerie. Puis, elle qu'on appelle Rainbow, en passant. Non. Rainbow? Rainbow. Ah ouais? Je pense que si elle écoute, elle aimerait ça. Comme une pouliche, Lorraine Beaulieu. Rainbow. Gang! Okay, ben, gang! Oui, mais le pire, c'est que ça se peut qu'elle écoute parce que j'y avais dit. Ouais, c'est ça, exactement. Bon. Alors, attention, Mathieu. Attention à ce que tu dis. Donc, voilà. Mais mis à part tout ça, il y a des œuvres très, très intéressantes, très éclectiques qui sont présentées là. Puis, cette exposition-là, elle a été montée aussi justement pour que les gens puissent aller circuler dans la galerie, comme aller se promener, aller faire un tour à la bibliothèque, aller faire un tour dans un café, aller faire un tour pour relaxer, prendre le temps de prendre le temps. Chiller sa galerie, comme on dit dans... Chiller sa galerie, mais là, c'est chiller dans la galerie. Dans la galerie. C'est ça. Exactement. Fait que c'est de prendre le temps de s'arrêter, que ce soit entre 5 minutes, entre 30 minutes, le temps que vous voulez. Lorraine aussi, elle parlait de prendre le temps d'aller au gym, mettons. T'sais, on va prendre une heure pour aller faire de l'exercice. Bien, prenons une heure pour aller. Même qu'une heure, ça peut être beaucoup dans la galerie. Mais si tu planifies une heure, bien, tu as du temps en masse. C'est ça. Puis là, tu as le temps de faire le tour puis d'aller communiquer avec ces... ces œuvres sensibles-là. Hein. Une œuvre, c'est finalement c'est une communication sensible que l'artiste fait. C'est un message, finalement, comme un livre, comme n'importe quoi, mais là, c'est de l'art. Et puis, de l'art visuel. Puis, c'est pas parce que on n'aime pas un certain type d'art qu'on n'aime pas l'art en général. Moi, mettons, il y a un style de musique que j'aime pas. Le heavy metal, j'aime pas ça, mais j'aime écouter autre chose comme musique. Donc, on aime des styles de musique en particulier, mais si t'aimes pas le heavy metal, ça veut pas dire que t'aimes pas la musique. Donc, exact. C'est la même chose pour les arts. Fait que s'il y a des expositions, des fois, qu'on n'a pas trop comprises, puis que bon, c'est un petit peu douteux, ça se peut. Ça se peut que ce type-là, tu l'aimes moins. Puis il y a des choses qui peuvent coller un petit peu plus à tes goûts puis à ta personnalité. Donc, cette exposition-là, c'est l'occasion rêvée d'aller finalement voir un petit peu c'est quoi ton genre, parce qu'il y en a, vraiment pour tous les goûts. Il y a de l'abstraction géométrique, donc des formes, tout simplement. Il y a des choses beaucoup plus réalistes, il y a des choses beaucoup plus figuratives, il y a de la photographie, il y a de la sculpture, il y a du verre, il y a même de la tapisserie en laine qui a été faite dans... De la tapisserie en laine. Ben oui. Je veux qu'on m'explique. Tu connais pas? Non. Toi, tu connais ça? Ta grand-mère en faisait? C'est pas une sorte d'art qui est quand même assez vieille, ça. Ouais, ouais. Ouais, hein? Son métier à tisser, là. C'est ça. Oui, oui, c'est exactement. Ça date justement, c'est Monique Mercier, je pense, son nom. J'espère que je l'ai... Oui, Monique Mercier, qui a aidé, qui est une des membres fondatrices du département des arts, avec Pierre Landry, qui a fait les cubes en avant. Ah oui, wow. Ah oui, hein? Ça, je là, je touche à quelque chose. C'est ça. Donc, lui, il y a des œuvres aussi qui sont exposées ici dans l'exposition. Donc, ça, c'est deux personnes qui ont fondé, finalement, qui ont aidé à la fondation du département, là, qui ont enseigné. Donc, c'est ça, c'est que Monique Mercier, son œuvre en espèce de tapisserie qui s'appelle... Comme une course de pointe, si on veut, non? Il y a un métier à tisser. Ouais, puis justement, c'est du haut liesse. Ça veut dire qu'il était placé à la verticale, okay, en hauteur, son métier à tisser. Donc, il y a une manière en plus de faire de la tapisserie. Tu mets ça sur le mur de après. Laine. Écoute, ça fait comme un cadre. Okay. Moi, je pense pas que ça soit vraiment comme une tapisserie que tu vas aller coller au mur. Non. C'est vraiment plus laine. Comme ça devient... Oui, ça devient une œuvre en soi, là, ça devient un tableau. Intéressant. Okay. Au lieu d'appliquer de la couleur, finalement, c'est de la laine. Ouais. C'est ça. Bon, mais oui, c'est une technique plus ancienne, puis c'est le tissage, puis le textile, ça a déjà fait partie longtemps de, je pense, de la programmation ici, là, du programme à l'université. Là, j'ai mes enfants qui font du bruit autour j'aime de moi. Ça parce je sais pas si on l'entend. C'est du spino, comment on appelle ça? Oui, des spirographes. Spirographes! J'aime ça, les spirographes, c'est cool. Je sais, c'est très amusant. Ça peut faire de belles œuvres. Tu préfères des œuvres en spirographe. Absolument. Voilà. Mm-hmm. Mais ça donne de l'ambiance un peu, tu sais, parce qu'on a l'ambiance bar derrière nous, tu sais, des verres de bière, des fois qui claquent. Oui, qui cassent. Puis on a du dessin puis du spirographe. Mais non, c'est pas du dessin. Des passages. Maya. On a des maths ici. Oui, Maya fait ses devoirs. C'est mon enfant studieux. Bon. J'en ai fait deux différents. J'en ai une qui dessine au bout de la table, puis l'autre a fait des maths à côté de moi. Donc, c'est ça. C'est une technique qui est très loin, ça, Monique Mercier, et le textile, qui a déjà fait partie du curriculum à l'université. Je crois que le textile, il me semble, c'était quelque chose d'important ici. Puis il y a aussi des... ceux qui sont exposés, c'est des personnes, soit qui ont enseigné ici, des profs, des chargés de cours, ou des anciens étudiants qui ont... une continuité dans leur démarche. Okay? Donc, les étudiants, il y en a des très jeunes étudiants qui sont jeunes diplômés, mm-hmm, mais qui poursuivent peut-être à la maîtrise ou qui exposent à Trois-Rivières ou un peu partout dans le Québec. Donc, c'est vraiment des étudiants, des profs, des chargés de cours qui ont une pratique qui perdure dans le temps. C'est ces personnes-là qui sont exposées. Donc, c'est ça. Puis, il y a des profs, des chargés de cours qui ont enseigné ici et qui ont eu comme étudiants des... personnes qui sont devenues profs et chargés de cours eux-mêmes, mm-hmm, au département et qui ont fondé l'atelier presse-papier puis l'atelier Silex aussi. Un petit peu. Ah, mais on veut savoir c'est quoi son problème de maths. Ouais. Bon, quel est ton problème de maths? Pose-nous la question. Faut que tu parles dans le micro, Maya, s'il te plaît. Donne-nous ton c'est parce que c'est Mathieu qui fait une distance là, avec Bia et Maëlia. Fait que là, ça l'a fait rire. T'es dans son problème c'est de maths. C'est drôle d'adon. J'ai tout le temps des problèmes de maths en plus. Fait que c'est même pas surprenant qu'il m'ait utilisé comme exemple. Fait que Mathieu, il est dans le livre de maths. Bon. Donc, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'étudiants et de chargés de cours qui ont... en fait, à l'époque où ils étaient étudiants, ils ont fondé l'atelier presse-papier puis l'atelier Silex, qui sont vraiment deux endroits très, très importants mm-hmm, au niveau artistique des collectifs d'artistes, finalement, donc des ateliers collectifs. Presse-papier, c'est plus au niveau de l'estampe. Puis l'atelier Silex, ça serait plutôt, disons, la sculpture. Là, c'est un peu vulgaire ce que je dis, mais c'est à peu près ça. Donc, c'est deux entités, on peut dire presque deux institutions trifluviennes qui sont très importantes au niveau artistique, qui ont été fondées par des étudiants de l'université ici. Et puis, ces étudiants-là qui sont devenus quand même plus âgés, là, ont des œuvres ici exposées à la galerie, comme Denis Charland, qui lui, malheureusement, son œuvre qui a été acquise par l'université ne peut pas être transférée là parce que, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est au quatrième étage du Ringuet. Okay. Il y a une espèce de grande murale. Oui. Tu as déjà vu ça? Et pas faire en bois? Il y a du bois là-dedans. Et du métal. Puis, exactement. Puis c'est quand même, ça, mettons... plus de 6 pieds de long, là, c'est quand même très, très long, puis plus de 6 pieds de haut, hein, c'est très, très mm-hmm, gros. Bien, c'est Denis Charland qui a fait ça, un des fondateurs de Presse-Papier. Puis à cette époque-là, il était jeune et fringant. Puis, fin, c'est, il n'est plus jeune et fringant. Ben, disons qu'il a pris un petit peu d'âge, mais c'est normal. Je veux dire, la terre tourne, là, tu sais, c'est comme ça. Mais non, c'est parce que j'avais vu une vidéo à un moment donné. Puis là, il était là en train d'expliquer, il était en train de faire sa murale. Puis là, ah, c'est Denis, ça. C'est pas toujours... que ça reste aussi longtemps, parce que c'est pas quelque chose qui change chaque année. Non, non, exactement. Ouais. C'est des œuvres permanentes. Là. Puis il y en a, c'est ça, il y en a un petit peu partout. À la bibliothèque, surtout, je sais qu'il y en a beaucoup. Et des œuvres extérieures aussi. Oui, oui, exactement. Ça, c'est les 1%. Okay. C'est quand on construit un édifice gouvernemental, je crois. Je ne sais pas si c'est obligé d'être gouvernemental, mais je pense que oui. Il y a toujours 1% de la valeur de la construction qui est attribuée à un artiste pour inclure une œuvre. Tu sais, pour faire une œuvre qui est incluse au pavillon. Comme celui qui représente un espèce de pied tourbillonnant. Oui, oui, là, oui. Okay? Le si on n'est pas tout le temps sûr, c'est quoi? Non, ouais, mais c'est ça. Mais ça, c'est ça, oui. Ça, ben ça, c'est le 1% de ce pavillon-là. Au Benjamin Sult aussi, il y en a un. C'est une espèce de rond avec un soleil. Ouais. Ça va dans l'affaire de cinéma un peu. Là. Ouais. Fait que ça aussi, c'est le 1%. Cette pratique-là, elle existe. Chaque pavillon a son œuvre? Je suis pas sûr. Écoute, je sais pas trop, mais c'est supposé. Là, c'est intéressant à peu près. Oui, ouais, c'est ça. C'est, ouais. Le 1%, ça existe dans les... il me semble que c'est les édifices gouvernementaux. Là, ouais. Écoute, ou qui ont des subventions, je sais pas quoi. Là, okay? Ouais. Moi, je suis pas une artiste visuelle, fait, je connais pas tous les critères pour faire les appels de dossiers, là, mais ça ressemble à ça. Donc, c'est ça. Si on veut reparler de cette exposition-là, finalement, je m'éloigne toujours, mais c'est bien, on parle d'art en général. Ouais, c'est correct. Bon. On éduque notre auditoire. Oui, ouais, exactement. On est curieux, nous aussi. Ben oui, exactement. Et nous-mêmes, en même temps, on s'éduque. Donc, c'est ça. Parmi les profs exposés, il y en a qui sont encore profs, évidemment. Donc, il y a Franche Royal qui expose des tissages, une espèce de couture sur carton. Okay. Très okay. spécial, et pourquoi pas. Il y a aussi Philippe Boissonnet qui expose quelque chose. Lui, ça ressemble à une estampe numérique. Je n'ai pas noté c'était quoi, mais c'est quand même un grand format. Puis c'est un corps, mais on voit l'intérieur du corps. Donc, on voit que lui, il questionnait la limite du corps. Je ne sais pas s'il y en est encore là dans son questionnement. Encore dans son corps. Mais là, c'est ça. Puis j'avais déjà vu une autre œuvre aussi de lui. Il me semble qu'il y a un rapport souvent avec l'intérieur, l'extérieur, là. Donc, il y a aussi Aimé Zayed qui a deux œuvres qui sont là. Lui, c'est un prof, c'est même le directeur du département de philosophie et des arts, oui. Monsieur Prisou. Aimé Zayed. Oui. Et puis, donc lui, il a des origines égyptiennes. Il vient de l'Égypte. Ça fait quand même plus longtemps que nous, je pense, qu'il est au Québec. Mais dans son œuvre, il y a un dessin, mettons, là, il va peut-être me chicaner, mais mettons, de Pharaon, vis-à-vis une dame beaucoup plus réaliste, plus actuelle. Donc, il se regarde. Fait que c'est vraiment comme la jonction de ces deux cultures, puis la jonction aussi d'un passé très, très lointain avec le plus moderne. Puis, il se regarde à travers un... Tu sais, il y a un élément d'ordinateur, là. Tu vas pouvoir m'aider, peut-être. Il faut aller plus loin dans le détail, ça peut. C'est gros comme ça. Non, mais tu sais, c'est comme une mini-puce, mais grosse, là, tu sais, les petites puces d'ordinateur. Il y a un processeur, là. Ouais, on peut dire une puce aussi, même si c'est gros. Ouais, mais ouais. C'est plus gros, hein, c'est ouais. Ça. Une carte-mère, sinon. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ça doit ressembler à ça. Juste un instant, s'il vous plaît, je dois intervenir. Bon, avec Maya, qu'est-ce qui se passe, Maya? Dis-nous. Ouais. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bien emprunte le chemin de Maïla. Au retour, est-ce qu'elle aura moins marché que Mathieu à la fin de la journée? Ben, demande à Mathieu. Souvent. Je marche pas très souvent. Mathieu, il reste plus assis d'habitude. Ouais. Ben, Maïla, je sais pas. Il faut que tu prennes tes informations. Moi, je peux pas savoir cette réponse-là. Il y a info devoir, n'est-ce pas? Allô, prof. Hein? Oui, c'est ça. Appelle allô, prof. On les a au bout de la ligne, d'ailleurs. Voilà. Ça fonctionne pas mal. Maïla, je vais te revenir. Ce sera pas très long. Désolé. Inquiète-toi pas. On est là pour toi. Votre appel est important pour nous. Quoi? Je pense que tu as atteint leur limite de temps, je pense. Ouais, c'est ça. Filles. Je pense que le 15-20 minutes, t'es assez pour eux. Ça fait combien de temps que je jase, là? Je sais plus. Ah, ben, je leur avais dit 20 minutes, fait qu'on on doit être dans le temps. Mais donc, c'est ça, pour terminer, je t'arrange ça après, Sarah. Oui, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, d'ailleurs. Ah, oh, bon, quand même. Bon, ben d'abord, on va s'arrêter, c'est mes filles qui me dictent ça. Bon, j'avais d'autres choses à dire, mais c'est pas les grave. Les parents, c'est comme les chiens, c'est pas ils laissent ça. Pareil. Je pense que les chiens sont comme les enfants. Ouais, mais sinon, il y a une pièce en particulier que j'ai beaucoup aimée, là, c'est Branka Kopecky, qui est prof ici à l'université, qui est une grande, je sais pas, bulgare ou yougoslave, là, une grande cheveux blonds, qui a un bel accent, là. OK, c'est une femme, je trouve qu'il y a une belle prestance. Donc, elle a fait une estampe numérique avec jet d'encre dessus. Je sais pas trop comment s'y est prise, mais c'est très, très banal comme impression, finalement, mais c'est très grand format. Puis c'est juste les pieds d'une ballerine avec une robe. Okay. Puis le trait rose qui vient, comme son jet d'angle probablement, ça vient juste délimiter l'ourlet de la robe ou de la jupe. Okay. Là. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça très beau, très apaisant. Ça rappelait un peu Edgar Degas. Il semble que ça se prononce comme ça. Ça dit quoi? Ouais. Wow! Qui faisait... Hein, qu'est-ce qu'il faisait? J'ai étudié en art et littérature. Ah, hein, ouais, quand même. Donc, lui, c'était c'est au début des impressionnistes. Là. Donc, c'est des petites filles qui font une pratique de danse. Ça s'appelle « Répétition d'un ballet sur la scène ». Je l'avais noté pour ne pas l'oublier. Fait que je trouve que ça rappelle un petit peu ça. Puis c'est très banal, finalement, comme image, mais je la trouvais paisible. Donc, c'est pour dire aussi qu'il y en a pour tous les goûts, hein, de la tapisserie à l'estampe numérique. Il y a du verre, il y a toutes sortes de sculptures, il y a des jeunes étudiants, il y a des vieux profs, il y a tout ce qu'il faut. Il y a presque même une cinquantaine d'œuvres, je ne sais pas, il y en a quand même vraiment beaucoup. Fait que c'est l'occasion d'aller flirter avec la galerie et avec les... Le monde des arts. Oui, exactement, qui proviennent de l'université. Magnifique. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se conscientiser à qu'est-ce qui reste ici à l'université. Oui, oui. C'est ça, et le pourquoi d'accumuler des œuvres aussi, puis pourquoi est-ce qu'on fait ça. En fait, c'est pour écrire une histoire de l'art de l'UQTR, finalement. Ça va avec le sentiment d'appartenance autant que exactement. Les sports. Oui, oui. Ouais. Effectivement, ça gagne à être valorisé. Puis justement, chaque musée a un programme d'acquisition d'œuvres, le musée d'art contemporain, le musée des beaux-arts. T'sais, tous ces musées-là font des acquisitions d'œuvres dans le but de s'écrire une histoire de l'art selon leurs valeurs à eux. Donc, l'université, c'est ça qu'elle doit faire aussi en faisant l'acquisition d'œuvres d'art. Pas juste en acquérir parce qu'il faut mettre un budget là-dedans pour montrer qu'on s'y intéresse. Il faut que ce soit fait. Ouais. Ben, le 1%, c'est vraiment un autre programme. Là. Mais il y a quand même un budget de 4 000 par année pour acquérir des œuvres d'art. Ben, ce serait bien de les dépenser de manière à se construire une histoire de l'art. C'est juste et pertinente, finalement, à l'UQTR. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Ouais. Et voilà. Donc, voilà. On avait vu une autre exposition. Maya, elle avait peut-être quelque chose à dire. Je ne sais pas si ça va être tenté. Non. Mais Maya, je veux savoir, est-ce que la semaine prochaine, ça va être aussi un cours de maths que tu vas avoir eu le mardi? C'est pour ça que tu as des devoirs de maths pendant l'émission? Vous êtes là la semaine prochaine, dans deux semaines? C'est devoir de 2 semaines. Oui, ils ont 2 semaines. Oh, tes devoirs de 2 semaines. Oui, ils ont 2 semaines. Ils ont tout un horaire, là, puis ils ont 2 semaines pour faire leurs travaux. On travaille l'autonomie. C'est aussi compliqué que le menu de la cafétéria. Mais voilà. Mais bon, donc voilà, fait que je vais revenir dans 2 semaines. Oui. Puis il y a un vernissage demain au Centre culturel Pauline Julien. Okay. C'est des étudiants, je crois, en estampe, je ne sais plus trop quoi, de l'université qui vont exposer là-bas. Donc, c'est bien qu'ils ouvrent un espace comme ça pour les étudiants. Parce qu'on est allé à un autre vernissage, c'était pour les étudiants à la maîtrise, mais pourtant, elle n'a pas commencé, je n'ai pas trop compris. Mais en tout cas, il y avait des étudiants aussi qui exposaient les 2 dernières semaines. Là. Donc, ça se terminait aujourd'hui. Puis demain, il y a un autre 2 semaines pour des étudiants de l'UQTR. Tout à fait 2 semaines. Hein? Voyons, puis là, il va y avoir les projets BAC aussi, je vous en reparlerai. Ah! Ouais, mec, je reviens, ça va peut-être être passé, par exemple. Mais en tout cas, c'est pas grave. Vous en reparlerez pareil. Tu en parleras passé à la place. Ouais, ou bien sinon, surveillez, il y a les projets BAC des étudiants qui terminent en art visuel. Il y a des expositions, je ne sais pas c'est où cette année. Là. Des fois, il y a 3-4 lieux, puis il y a un bus qui part. Non, Tania, tu as dit que t'es où? Elle la connaît, ça. Ouais, fait qu'il y a un bus qui part du Benjamin Sul, puis qui fait la tournée pendant un vernissage où ce qui des fois c'est sur 4 endroits puis t'es en autobus. Fait que c'est des beaux vernissages. Vraiment? Puis ou le sinon, vin coule à flot. Ouais ouais, mais puis il y a des bouchées, moi j'ai mané, j'avais été avec les filles puis on avait soupé là. T'as saoulé tes filles, moi. Soupé, là, franchement. Je manque des moi, je soupais peut-être pas, mais elle est soupée. Fait que ça, c'est une belle activité aussi. Sinon, les expositions, on court pendant un mois, mais pour le méga vernissage, faut surveiller les dates, je les ai pas. Désolée. C'est pas grave. On reviendra avec ça. Absolument. Ouais, trouvez-le, vous mais autres. C'est ça. Non, intéressez-vous aux arts. Là. Un petit peu de recherche. Ben, exactement. Oui. Bon, ben voilà. Voilà, Marc-Christine Perra, on te retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique gratin et vin gratuit. On remercie encore Maya et ses devoirs de maths. Merci, et Sarah et ses dessins. Sarah, qui se fait un petit peu plus silencieuse. Discrète, oui. Discrète. C'est pas toujours comme ça. Alors, on va suivre leurs aventures pour peut-être pour le reste de l'été. Merci encore, Marc-Christine Perra. Dans 2 semaines. Toujours à l'assemblage Rocky, nous, est-ce qu'on était rendu à prendre une autre pièce musicale? Je crois que oui. C'est celle de Savages, qu'on s'en va entendre. Ce sera Adore. J'ai tellement d'affaires d'ouvertes dans mes affaires. Est-ce que j'ai ça, moi, Adore? C'est toi qui l'as, celle-là. Hein? un jour, on va peut-être remettre nos affaires tout ensemble pour se retrouver dans ces affaires-là. On écoute ça du côté anglophone, Savages Adore, et puis on se retrouve tantôt. Et quand même, une belle chute au palmarès, hein, malgré tout, pour Savages. Ah, est en 9e durant le dernier palmarès, et ils sont descendus en 18e anglophone. Ben allez, voilà. Et voilà. Assemblage requis. Reste là. I adore life. assemblage requis. Toujours à Assemblage Requis en ce mardi 12 avril pour la semaine du 11 avril 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui. Il reste une heure ensemble, donc on va faire une grosse pointe à l'adresse dans une demi-heure environ. Je pense qu'on devrait prendre le temps de s'acheter des gadgets dans quelques instants. Avec ça existe, ça ne devrait pas là, mais avant ça, tantôt je vous ai joué une pièce qui n'était même pas une nouvelle entrée, honte à moi. Ah mon Dieu! On est supposé jouer seulement une nouvelle entrée pour ce moment-ci. Donc il nous reste une nouvelle entrée du côté francophone. C'est la position numéro 17 qu'on s'en va entendre, Tania! Sphinx de la femme. Tout de suite, à Assemblage Requis. Thank you. La dernière entrée de nouvelles du palmarès francophone, oui, c'était La Femme avec Sphinx, position 17 sur l'album qui s'appelle Sphinx aussi. Toujours à Assemblage Requis, et maintenant c'est le moment d'aller sur Internet, taper acheterdesaffaires.com. C'est ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets qu'on achète sur Internet et qu'on regrette instantanément. Commençons par dans votre appartement, si vous avez un coloc, frère, sœur, parent, animaux de compagnie, peu importe. Peut-être que certains ont envie de vous voler votre shampoing des fois. Ah, ben oui, c'est clair. Voler vos affaires de douche, hein? Oui. Donc, c'est simple, c'est un petit casier de salle de bain pour mettre ses affaires dedans. Ah, c'est si intelligent. Rien de plus compliqué que ça. Y a-t-il une combinaison? J'attends encore que la page charge. Ah. La musique okay, d'avant, c'est ça. J'avance la vidéo. Ma faute, là, c'est complètement ma faute. Il y a une combinaison sur petit casier. Bon, on veut de la sécurité ou on n'en veut pas tant qu'avoir des casiers. Et voilà. J'ai vu, je me rappelle bien de l'avoir vu tantôt, qui était disponible en plusieurs couleurs. Il me semble que comme un bleu puis un genre de jaune. Ouais, bleu, gris, blanc. C'est ça. Ouais. J'ai vu ouvrir beaucoup trop d'affaires en même temps sur mon ordinateur. Il y a rose aussi. Rose? Rose. Wow. Tu pourrais mettre ton loofah, un truc là, pour te savonner? Ben oui, tu peux mettre ton rasoir. Au revoir. Messieurs, vous pouvez mettre votre rasoir pour pas que votre blonde le vole. Parce pas que ses jambes. Dieu sait qu'un rasoir d'homme, ça va mieux qu'un rasoir de femme. Tu trouves? C'est pas juste la couleur que tu fais. Ah non, c'est définitif. Ouais. Puis en plus, ça coûte moins cher. Oui, ça, il y a une taxe sur les choses une de taxe femme. Féminine. Donc, ça s'appelle le Schlocker. C'est présentement sur Wishower Locker. Vous avez compris le gag. Ça vient de Bath & Body Works. Non, c'est pas vrai. Ça vient de Kickstarter, en fait. On peut aller contribuer à la cause. Donc, c'est sur Kickstarter. Cherchez The Schlocker. S-C-S-H-L-O-C-K-E-R. Voilà. Ensuite, un jour, les pages vont toutes se charger. On va pouvoir continuer comme bon nous semble. Tiens, cette fois-ci, c'est la chaise de J.K. Rowling pendant qu'elle écrivait les deux premiers Harry Potter, qui est présentement aux enchères. Oh. Pendant qu'elle était une pauvre mère qui vivait dans un HLM de Edinburgh, en Écosse. Donc, la chaise lui avait été donnée gratuitement à ce moment-là. Elle est vendue aux enchères. Elle a été vendue aux enchères deux fois depuis, après l'avoir décorée elle-même pour vous montrer vraiment que c'est une chaise sur laquelle elle a écrit Harry Potter. Elle a gravé Harry Potter. I wrote Harry Potter while sitting on this chair. C'est ce qui était dessus. Donc, ça s'est vendu en 2009 pour 29 117 $. Présentement, au moment où l'article a été écrit, c'était rendu à 150 000 $. Donc, pour la chaise sur laquelle on a écrit Harry Potter. Est-ce que ça vaut la peine? Je me le demande. Je sais pas, hein? Ouais. Ensuite, c'est des bols, en fait, pour manger des céréales avec votre famille. Donc, peu importe la sorte de céréales, c'est avec 2, 3, 4 ou 5 amis. C'est bien absolument. Donc, dans le fond, c'est plusieurs bols de céréales qui sont attachés ensemble, un peu comme les anneaux olympiques, presque. Oui. Si on veut. Et donc, les gens peuvent tous manger leurs céréales dans le même genre de gros bol. En fait, c'est plusieurs petits bols attachés ensemble, fusionnés ensemble dans c'est de la céramique. Mais tu sais pourquoi ça serait génial, par exemple? Pour des chips? Oui, comme une réception. Là. Tu sais, tu mets tes légumes dans un, tu mets ta trompette dans l'autre. Tu as plus de place pour plus de trompettes, parce que c'est ça l'affaire dans ces bols-là, c'est qu'on manque tout le temps de place pour plus de trompettes. Tu mets ta salsa. Ça s'appelle les Squat Bowls. C'est par Cinnamon Toast Crunch. Oui, c'est vraiment Cinnamon Toast Crunch, la compagnie de céréales Croque Cannelle qui nous présente ses Squat Bowls. Hashtag Squat Bowls. Vraiment cool. Mm. Ouais, et c'est vraiment comme fusionner ensemble. C'est pas plusieurs bols snappés ensemble. C'est fait d'un seul, une seule surface de céramique, mais c'est séparé en bols quand même. Ouais. Ensuite, c'est un habit d'affaires. Donc vraiment un habit complet, si on veut, avec un motif de Pac-Man. Et même la cravate Pac-Man qui va avec. Hein? Sous licence officielle, c'est par Oppo Suits. C'est cool. Oppo Suits. Ça coûte environ 110 $ et c'est vraiment pour... si vous allez passer une entrevue pour quelque chose de geek, mettons que vous voulez aller travailler chez Arcade Montréal, le nouveau restaurant-bar Arcade à Montréal. Mm-hmm. Hein? Ça pourrait être parfait pour une entrevue. Et il y a les petits logos de Oppo Suits dessus. Et les fantômes de Pac-Man, le personnage de Pac-Man en tant que tel, les petits points partout, les palettes qu'on appelle... c'est super joli, super cool. Ensuite. Mignon. C'est le Mancan, le Portable Keg System. Si vous voulez traîner votre bière avec vous, hein, c'est toujours mieux de partager sa bière à la place de traîner une grosse cargaison, une caisse de 24, peu importe. Il vous faut donc le Mancan Portable Keg System à partir de 195$. Vous versez vos bières à l'intérieur du keg, vous le scellez et ça garde votre bière bien fraîche et ça garde les bulles à l'intérieur avec une petite canette de CO2 portative. Et quand vous êtes prêt à boire, vous pouvez reverser la bière dans des verres. Donc le Mancan, si intelligent absolument, c'est donc indestructible, 1 gallon 128 onces ou encore demi gallon 64 onces en acier inoxydable, deux systèmes de flux et un perfect pour regulator pour pouvoir bien verser correctement votre bière. Ouais, donc c'est environ 5 bières ou environ 10 bières pour les deux modèles. C'est à peu près tout pour les détails, je pense. Est-ce que le prix, il n'y a pas le prix malheureusement là-dessus? On va aller voir. Ah oui, 195$, j'ai dit tantôt. Donc, c'est le Mancan. Ensuite, un café qui contient 2 à 3 fois plus de caféine que du café régulier, c'est le Suicide Coffee. Donc, une nouvelle compagnie de café qui livre du café délicieusement dangereux. C'est fait à partir de grains de café de Louisville au Kentucky. C'est parfait pour faire de l'espresso, du café goutte à goutte, ou sinon parfait pour les machines à café aussi régulières. Pour garder le focus toute la journée, ils achètent leur café directement de ferme. Et puis, c'est du café équitable. On dit 2 à 3 fois donc la caféine d'un café normal. Et vous allez peut-être remarquer des notes de chocolat et de cerise. C'est subtil, mais très puissant, disent-ils. Oh ouais. Excessif peut-être, délicieux probablement. Et moi, je pense que ce serait utile de boire un seul café pour ceux qui n'ont pas le temps de boire plusieurs cafés. Là. Clairement. Un café qui en vaut 3. 20$ pour ce sac-là. Et il y a un code qui est Incredible Things qui va vous donner 15% de rabais sur votre commande totale de ce Suicide Coffee. Highly caffeinated. Ensuite, les services de table, c'est cool. Oui. Mais en même temps, c'est un peu plate. C'est vrai. On peut même pas jouer à rien que ça. Non, t'as raison. Donc, pourquoi ne pas acheter des Topics for the Table Napkins? Contrairement à des serviettes de table normales qui ne sont pas amusantes du tout, ces napkins-là se plient en origami. OK. Pour faire un jeu, tu sais, le jeu du... comment on appelle ça? Le que tu te mets dans les mains puis tu peux faire comme... c'est comme un canard, le jeu du canard, oui, oui, oui, le coin-coin. Le coin-coin, voilà, c'est exactement ça. Oui. Donc, c'est un jeu de coin-coin, littéralement. Et les gens choisissent un chiffre et un sujet et on révèle ça pour démarrer une conversation. Donc, c'est fait pour lancer des conversations à la table du repas. Ça vient avec 10 napkins par emballage. Voilà. Ensuite... Toujours dans la cuisine, c'est les Debayer Triple Blini Pan pour faire 3 minuscules crêpes à la fois. C'est un peu comme les bols de tantôt qui étaient fusionnés ensemble. Sauf que là, à la place, c'est les poêlons qui sont fusionnés ensemble. Debayer Triple Blini Pan qui vous permet de faire 3 choses en même temps. Ah ouais, mais ça te prend un méchant four, là. Un méchant rond. Ben, en fait, je pense qu'en tant que tel, la superficie des 3 poêles équivaut à un rond. Okay. Donc, c'est 3 plus petites poêles attachés ensemble par le milieu de chaque poêle. Mm-hmm. Et t'as une seule poignée pour le tenir. Et tu le mets sur un rond et c'est supposé prendre la même place. C'est sûr que peut-être que tu vas perdre la chaleur par les côtés et le milieu. Mais bon. Donc, c'est fait en France d'acier bleu, solide, qui absorbe la chaleur lentement et de façon équitable partout dans les poêles. La poignée est faite pour pouvoir flipper les crêpes facilement. OK, oui. Donc, les 3 crêpes dans les 3 poêlons. Parfait pour servir, sinon ça pourrait être différentes choses. On pourrait faire des œufs d'un bord, bacon de l'autre, comme on a déjà parlé dans plusieurs autres gadgets dans les chroniques des dernières semaines. Donc voilà, rien de plus à dire sur le Debayer Triple Beanie Pan. Allez voir de quoi ça a l'air sur assemblagerequis.com parce que le prix n'est pas dans l'article. Ensuite, tiens, pour bloquer le vent, apparemment qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec le vent. Okay. Quand ils sont en conversation téléphonique. Donc, pour rendre vos conversations un petit peu plus claires, même dans lors des journées les plus venteuses, en utilisant ce petit accessoire qui se connecte au-dessous de votre téléphone pour bloquer le vent et l'air ambiant. Ça s'accroche à votre téléphone ou tablette et ça bloque les bruits environnants causés par le vent pendant que vous parlez. 15$ pour ce petit gadget sur Amazon.com. Disponible en gris, orange et en noir. Et c'est facile à clipper et transférer le téléphone en tablette, peu importe. Et ça vient en porte-clés aussi, donc on peut le traîner sur soi sans avoir à tout temps le laisser sur le téléphone. Ça a l'air d'être fait en genre de silicone. Peut-être pas silicone, une genre de mousse, un peu comme une mousse de micro en fait. Ça ressemble énormément à une mousse de micro pour nous à la radio et ailleurs dans la musique, etc. Donc c'est le Original Wind Blocker Accessory Organizer for Universal. Ça fonctionne sur tous les gadgets. On retourne à la cuisine avec des ustensiles mangeables, tu sais, comme des cuillères de bois, mettons. Oui. Bon. Sauf qu'à la fin, on peut les manger. Mmh. Hein, révolutionner votre façon de cuisiner. C'est fait pour remplacer les ustensiles de plastique qu'on jette, en fait. C'est vegan, végétalien, et c'est fait pour facilement... en fait, il y a trois variétés. Donc, on peut y aller par rapport à vos allergies ou à vos tolérances en gluten. Donc, t'as riz, t'as wheat, c'est avoine, je crois. Wheat, ouais. Orge, non, wheat, il me semble que c'est avoine. Quand tu dis mini wheat, là... C'est de l'avoine, ma chambre. Et le sorghum, que je connais pas trop non plus. Ah! Ouais. Donc, c'est ça, c'est disponible en trois sortes. 10$ pour l'emballage. Aussi, c'est sur Kickstarter, donc ça veut pas dire que vous allez le recevoir, mais il faut donner de l'argent en ce moment. Ils sont rendus à 237 000 sur 20 000, donc ils ont vraiment de loin dépassé leur but. 4 jours restants encore, ils ont presque 8 000 contributeurs, donc allez les aider pendant les derniers jours pour ces ustensiles mangeables. Voilà. Ensuite... c'est le Robocop Sound Grenade qui va faire peur aux attaquants, à ceux qui veulent vous attaquer dans la rue. Des appareils donc de sécurité personnelle qui peuvent être lourds et difficiles à transporter ou à utiliser, alors que le Sound Grenade de la compagnie Robocop est fait donc comme une grenade. Hein, c'est un petit appareil qui pèse seulement 1 once. On peut le clipper à un sac, à un porte-clés, aux vêtements. Et lorsqu'on tire sur la pin, ça va produire une alarme de 120 décibels, aussi puissante qu'une alarme qu'une sirène d'ambulance. Tabarouette, ok. Ça va vous donner donc plus confiance en vous pour ne pas avoir peur des voleurs, peut-être. Faut juste pas que tu l'accroches, hein? Faut pas que tu l'accroches, en effet. ça peut vous protéger des animaux aussi. Ça dit qu'on peut l'entendre jusqu'à 150 pieds de distance. Donc, ça pourrait être utilisé aussi comme pour vous localiser si vous êtes perdu dans le bois. Le Sound Grenade fonctionne sur des batteries et ça va faire sonner l'alarme jusqu'à 30 minutes une fois qu'on tire sur la pin. Les batteries peuvent durer jusqu'à 1 an si on ne tire pas sur la pin. Bastien, justement, t'as porté le point de l'accident accidentellement tiré sur la pine. Apparemment, ça devrait pas arriver. Okay. Ça prend vraiment, on doit tirer de façon intentionnelle et de façon ferme pour l'enlever. Voilà. Il y a comme un genre de petit rivet, c'est comme à 3 genres de coches. Exactement pour cette raison-là, il faut vraiment tirer très très fort pour l'enlever. Le Sound Grenade est accepté par le TSA, donc pour les gens qui prennent l'avion. Ça peut même fonctionner sous l'eau. Et le prix est de 20$, c'est disponible chez robocop.com, robocop.com, pour en savoir plus. Sur le Sound Grenade, voilà. C'est joli, en plus, il y a une petite face dessus dessinée en 8 bits un peu. Hein. Ben oui. Super mignon. On dirait une clé USB. C'est juste vraiment cute. Ensuite, pour ceux qui veulent relaxer un peu, mais qui ont de la misère à relaxer parce que la lumière ambiante, ils voient des choses, se sont déconcentrés facilement par les gens qui passent. Donc, c'est le Relaxation Hoodie. C'est vraiment un hoodie, sauf qu'à la place d'avoir un capuchon qui va juste sur le front, le capuchon va jusqu'en bas de ta face et tu peux zipper le devant de la capuche à la place du de pas pouvoir zipper d'habitude le zip arrête okay, avant le capuchon, je comprends. Donc c'est ça, c'est fait pour activer en fait votre système nerveux parasympathique. Ah. Donc ça va contrôler le repos et le recouvrement de votre humeur et de votre bien-être pour pouvoir relaxer et recharger vos batteries. Maintenant, combien paierais-tu pour ce hoodie? Tu veux pas le savoir, hein? Non, je... C'est... un énorme montant de presque 300$. En fait, plus que 300$, 312,37 en dollars américains. Ilala. Sûrement proche de 400$ en dollars canadiens. C'est pas si pire, parce que si tu regardes certaines marques de vêtements, ça peut être encore plus cher et ils n'ont pas les bénéfices que ce gilet apporte. C'est vrai. Ça utilise les couleurs, le son et la position du corps pour baisser votre rythme cardiaque, ralentir votre respiration et régulariser vos ondes dans le cerveau. On peut le porter pour relaxer, pour se remettre, comme je disais, en forme avant et après les sports, mais aussi pour les sports, oui. C'est isolé, c'est water repellent, donc ça repousse l'eau et c'est résistant au vent. Y a plein de détails. Là. Ça dit étape 1, lorsque vous ressentez que votre rythme cardiaque est élevé avant une compétition ou si vous êtes fatigué après, vous zippez le hoodie, vous vous couchez, vous écoutez la trame sonore de Baker Miller Pink. Qui joue à l'intérieur. Juste 15 minutes dans cette position-là est assez long pour arrêter, pour calmer votre rythme cardiaque et votre respiration. Lorsque tu es de retour à la normale, tu dézippes le hoodie et tu portes ton hoodie comme n'importe quel autre vêtement haute performance. Ah. Voilà. Ensuite, c'est des serviettes pour bébé, mais pour adultes, pour se nettoyer sur la route. Des grosses serviettes, là, tu sais, des serviettes pour enfants, d'habitude, c'est quand même gros pour les fesses, pour tout ça, pour laver le corps un peu. Ouais. Donc, elles sont encore plus grosses ici pour les adultes. 12 par 24 pouces, 35$ pour l'emballage. C'est eco-friendly, donc c'est pas supposé faire de mal à la nature. C'est en coton naturel, extrêmement doux au toucher. On nous dit ici sur Kickstarter que c'est Life Wipes là. Ça va être livré en septembre 2016. Okay. Ils sont rendus à 15 000 sur 5 000 $, donc ils ont triplé leur but. Il reste encore un mois, 30 jours. 233 contributeurs. Inspirés par l'action et l'aventure de votre vie, ces serviettes pour adultes sont inventées pour tout ce que la vie peut vous faire souffrir, peut vous envoyer comme dégâts. Ça dit « Invented for the shit life throws at you ». Parfait pour le camping et le voyage. Voilà. Rien de moi. Les Life Wipes. Continuons avec des puzzles, mais un petit peu plus difficiles. Tu sais, les puzzles, des fois, bon, ça peut être facile. Des fois, tu peux avoir des grands puzzles qui sont plus difficiles, oui, mais les petits sont souvent très faciles. Ici, on a pris un dégradé de couleur. Comme mettons, un dégradé de bleu un petit peu plus moyennement foncé à un bleu un petit peu plus moyennement pâle. Donc, un dégradé, et c'est ça votre casse-tête. Ça va être vraiment très, très difficile de le comprendre. Donc, c'est le AreaWare Gradient Puzzle du designer Bryce Wilner. Super difficile, mais pas impossible. Des puzzles avec des gradients de couleurs, des dégradés. Chacun a 500 morceaux imprimés sur un genre de carton assez épais. De l'art de haute qualité pour utilisation répétée. Si vous réussissez évidemment à le compléter. Disponible en plusieurs couleurs, donc de blanc à noir, d'un bleu vraiment proche de l'autre bleu, d'un jaune à un très proche orange. Des trucs comme ça. Donc, j'imagine commencer par les coins. Continuons avec une bouteille d'eau qui se remplit elle-même. Fontus Self-Filling Water Bottle. Vous ne manquerez plus jamais d'eau avec cette bouteille-là qui va littéralement inventer de l'eau à partir de l'air en capturant l'humidité pour la condenser et l'emmagasiner dans une bouteille de 800 millilitres. Donc le modèle Airo, A-I-R-O, fait ça par une petite fan et un système de chambre de condensation à refroidissement. Les deux fonctionnent par électricité solaire, par un tapis d'électricité, un tapis solaire flexible qui s'enveloppe autour de la bouteille lorsqu'on n'est pas en train de l'utiliser. C'est aussi disponible en variante Ride, R-Y-D-E, qui est ce qu'on voit sur la photo sur assemblagerequipe.com, qui est fait pour entrer dans le tube de votre vélo, dans le tuyau de votre vélo, et ça va ramasser l'humidité plus rapidement en capturant l'air pendant que tu pédales. Ah, donc ça fonctionne mieux s'il y a une humidité, une haute humidité. Ouais, une haute humidité. Dans l'air. Donc il y a des températures plus élevées. Les deux sont compatibles avec des capsules de reminéralisation pour changer l'eau distillée qui en résulte en eau minérale sans avoir trop à travailler. Donc c'est sur Indiegogo pour 200$ et plus. Ça s'appelle la Fontus Self-Filling Water Bottle. Sur Indiegogo, ils sont présentement rendus à... Attention... À 216 135 $ américains, 720% de leur but de 30 000 $ avec objectif flexible, 929 donateurs, donc c'est un gros succès, cette bouteille Fontus. Ça dit « Ne tombez jamais à sec », c'est leur slogan. Ensuite, celui-là, je le trouve vraiment cool, c'est des écouteurs de concept, donc c'est pas encore quelque chose... En fait, on peut se le procurer en ce moment, mais c'est un concept pour montrer que ça se peut. Donc c'est les Concept N Headphones de Sony. Ça change complètement le design traditionnel parce que ça ne nécessite aucun contact avec vos oreilles. Les écouteurs sont faits pour aller autour de votre cou et diriger l'audio vers le haut. Donc seulement vous allez pouvoir entendre le son. C'est cool. Futuriste au bout. Vraiment. Donc des écouteurs qu'on porte autour du cou. C'est Sony et leur branche de recherche et développement Future Lab qui a dévoilé ça à South by Southwest récemment. Donc allez voir de quoi ça a l'air, les photos. C'est vraiment un genre de collier. Si on veut. C'est comme le collier d'une paire d'écouteurs, mais sans les bouts qui vont sur les oreilles. Ça tient dans le cou. Un peu comme un collier futuriste. Vraiment le fun. Ensuite, tiens, on dit souvent que dans un coquillage, on peut entendre l'océan. C'est vrai. Ici, c'est à la place, on va entendre la radio. Hein? Ah. Donc, on essaie de célébrer les 90 ans de la radio au Japon. Et pour faire parler d'eux, bien sûr. Donc, la station de radio japonaise BFM a ramassé 100 coquillages sasés. Ce qu'on appelle des turbine shells et a installé un équipement radio à l'intérieur. Donc quand on tient le coquillage à l'oreille, comme les gens font souvent avec un coquillage, on n'entend pas les sons de l'océan, mais bien les sons de Justin Bieber ou Selena Gomez ou peu importe les autres mélodies de jeunes adolescents. Ils en ont fait seulement 100 et ils ont distribué ça par un système de concours où chaque gagnant pouvait les acheter pour 3980 yens, environ 36$ américains. C'est complètement fonctionnel, ça peut être rechargé par USB et c'est pas mal tout ce que ça fait, donc on entend seulement la radio. On peut monter le volume, allumer, éteindre. Il y a une antenne intégrée à ça et il y a le logo de BFM 78 en dessous. Hein? C'est vraiment bien. Drôle d'idée. Ensuite, C'est Simone Giertz et Adam Savage des Mythbusters, les stupéfiants, qui ont créé une machine à popcorn portative et qui distribue le popcorn dans votre bouche. Donc, Simone Giertz, c'est une ingénieure suédoise, la plus récente membre de la famille de Tested, qui est le site web de Adam Savage. Elle qui avait déjà créé la Breakfast Machine et l'Automatic Chopping Machine. Donc, elle et Adam Savage ont créé une machine à popcorn qu'on porte sur sa tête avec une casquette. Et donc, ça a été construit en une journée. C'est un projet de collaboration internationale. Donc, le duo a créé cette machine-là par Skype. Donc, on détaille le processus de création dans une vidéo sur assemblagerequis.com. Mais en fait, ce que c'est que tu as deux contenants en popcorn classiques en plastique sur le dessus et deux mains qui sont en dessous. Et quand tu... dans le fond, les mains vont accueillir le popcorn et tu vas comme pouvoir manger directement à travers la main, sur la main. Avec ta bouche. Mais ça tombe partout! Ouais, ça tombe partout, mais quand même, ça pitche dans la bouche quand même, puis c'est à toi de bien ouvrir ta bouche. Ouais, ça a pas l'air de super bien fonctionner, le mettons. Non. Donc le popcorn tombe dans la main et la main fait une rotation vers l'avant, vers la bouche, et donc pendant que tu regardes ton film ou ton émission de télé, ben ça mange. Ça t'envoie ça. Ouais, donc une idée comme une autre! Ensuite, dans ta sacoche, Tania, des fois, t'as de la difficulté à trouver tes clés, tes cartes, peu importe. Ouais, donc arrête de chercher en t'installant une lampe, une lumière qui va dans ta sacoche, c'est la Handbag Light. Lumière compacte avec en forme de pierre, donc qui va fonctionner n'importe où dans ta sacoche et qui est supposée durer jusqu'à 3000 soirs. Wow. Donc, côté utilisation, on s'est dit que c'est la première lumière automatisée. Pour sac à main. Il y a une technologie de détection, donc tu n'as même pas besoin d'utiliser tes mains. Aussitôt que tu ouvres ta sacoche, ça va détecter que c'est ouvert. C'est éco-énergétique, éco-efficace. Ouais. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'on a à dire là-dessus. Oh, mon Dieu. En moyenne, on dit qu'une femme va passer 76 jours de sa vie à chercher des choses dans sa sacoche. C'est vraiment cool. Ouais. Donc c'est la Handbag Light par la compagnie SOU sur assemblagerequis.com. Ça fonctionne avec deux piles 3A qui sont incluses. Et on va terminer avec ce lit pour une chambre à coucher. Ouais. Qui va vous créer comme une genre de petite grotte dans votre chambre. OK. Donc c'est vraiment le luxe d'une chambre à coucher intégrée dans votre chambre à coucher. Donc c'est un matelas king size, confortable, qui a tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de ce cocon-là. Donc t'as une place pour mettre ton champagne, t'as des tables intégrées et t'as un système de fragrance qui va s'envoyer dans l'air. Donc c'est vraiment... comme une cage avec des murs de chaque côté. Tu peux ouvrir, c'est comme un petit rideau qui te permet d'entrer là-dedans. Donc, un rideau qui est opaque. En tout cas, tu as l'air de voir un petit peu au travers, mais pas tant que ça. Et à l'intérieur, c'est là que les fragrances se diffusent, que tu as la place pour mettre ton champagne. Tu es comme vraiment à l'abri de tout le monde. Donc, peut-être que tu vis dans un loft, mettons, tu dois te créer une chambre, mais tu pourras acheter ça pour seulement 2000$. C'est discontinué, as-tu vu? Ah non, où ça? Ben discontinué. Oui. Ah, arrête donc! Mais c'était sur Etsy, donc il va en avoir d'autres probablement. Mais pour l'instant, c'est discontinué. Il y a plein d'autres articles de chambres à coucher similaires sur la boutique Etsy. Ça dit pas le nom de l'utilisateur, donc on nous redirige directement sur Etsy.com. Mais bon. Inyx, je crois. Inyx est la boutique. Voilà, les liens de tout ça sur assemblagerequis.com. On aura d'autres gadgets la semaine prochaine dans Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. On prend une pause et au retour, c'est la chronique Une grosse pointe à l'adresse. On va se boire quelque chose aujourd'hui, Tania. Pour faire changement, on va boire. D'accord. Reste là. C'est le 89.9. C'est fou. Sur l'âge requis en ce mardi 12 avril pour la semaine du 11 avril 2016, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Blanc.

Est-ce que tu... Ben, on goûte pas la caféine, c'est sûr que non. Ça donne un petit kick de caféine, mais je me suis attendu à quelque chose d'un petit peu plus sucré. Ça goûte pas la boisson énergisante, et ça goûte pas aussi crémeux que je pensais qu'une boisson crémeuse allait goûter. Ouais, moi non plus. Ça fait juste qu'il aurait pu dire, bon, ça goûte saveur de creamsicle. Je me demande si le fouetté a vraiment un lien avec ça. Fouetté, je me serais attendu à quelque chose onctueux, un peu comme un yop. Ouais, si je suis d'accord avec toi. Ça dit teneur élevée en caféine. Moi, je le. Tu sais, comme je le goûte, là, ça paraît, là. Ben oui, pour vrai, moi, je le goûte pas du tout. Mais bon, ça reste bon. Mais d'après moi, c'est le guarana qui goûte ça. Ça se peut. Ça révolutionne absolument rien. Non. Il aurait pu dire que c'est aux fraises, puis sans être fouetté, je les aurais cru facilement. Ouais, moi aussi. J'ai vu aussi. Je comprends pas l'effet fouetté. Moi non plus, absolument pas. J'ai pas pris en photo, j'ai pris juste en photo ceux-là, je crois, mais ils ont aussi sorti ceux au café latte. Un peu comme il y avait une autre compagnie, oui, Monster, oui. qui avait sorti ça. Ben, c'était pas Starbucks qui avait ça? Aussi, mais Monster, c'est des drinks d'énergie. Oui, t'as raison. Café latte, cappuccino. Et là, Rockstar en a aussi sorti. J'imagine que j'ai goûté à peu près la même chose que ceux de Monster qui sont disponibles à la cafétéria de l'UQTR, entre autres. Voilà. Maintenant qu'on a goûté assez, que moi, en tout cas, pour vrai, en tant que tel, je trouve ça bon. Mais je mettrais mon pouce en bas. Quoi. Ouais, moi aussi, parce que je trouve pas ça... Wow! Ça goûte pas ce que ça devrait vraiment goûter. L'aspect fouetté n'est pas là du tout. Hein? Maintenant, ben, un peu comme dans la chronique de tantôt, je réalise que 30 onglets à la fois, c'est peut-être un petit peu trop demandé à l'ordinateur. Je devrais peut-être en mettre moins à la fois. Peut-être, mais bon, on dit ça comme ça. On a un petit compte-rendu de différentes blagues de poisson d'avril, parce qu'on n'a pas, pas parlé de poisson d'avril dans une grosse boîte à dresse jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Et les petites blagues qui avaient pas mal de sens, qui étaient pas mal drôles, donc si ça peut charger, on va pouvoir en parler dans quelques instants. Sinon, je vais vous rappeler le nom du produit, parce qu'il faut bien patiner un peu. Ça s'appelle Rockstar Boom Energy. C'est à saveur de fraise fouettée ou d'orange fouettée. Voilà. Donc, le poisson d'avril était il y a environ 2 semaines. Donc, petite collection de poissons d'avril. Commençons par Burger King et leur Chicken Fries Shake. C'est une slush à l'orange garnie de crème fouettée dans un verre avec une face de poulet dessus. Donc, OK, pourquoi pas. Sinon, il y avait chez Einstein Brothers du... c'était un café torréfaction foncée au bacon. Hein? Du bacon dans votre tasse de café. C'est leur poisson d'avril cette année. OK. OK, j'ai vu pire. Ouais, Krispy Kreme, qui avait leur moisson annuelle de beignes, donc des beignes qui poussaient dans les arbres, qui nous ont fait croire. Il y a même des instructions pour faire pousser votre propre beigne à la maison. T'avais chez McDonald's qui a annoncé leur service d'abonnement, les Boxes. Donc, une boîte avec vos articles de McDonald's préférés pour aller avec votre style de vie. C'est ce qu'on nous annonçait. Oui. Il y avait l'artisan, le ribster avec les côtes levées et le minimaliste. Ensuite, t'avais avec et ça, il incluait des foulards, des articles de hipster, une fausse moustache, des trucs comme okay, ça dans leur oui. boîte. C'est une blague, évidemment, qu'ils l'ont pas vraiment livré. Hein? Alors que le minimaliste était simplement une seule frite et un petit ketchup. Oh, petit, c'est méchant. Ketchup. Ensuite, tu avais McDonald's au sud de la Californie, oui, qui a présenté leur ligne de McJus. Donc, c'était du des McMuffins ou encore un McPoulet avec des frites en shake. Donc, au malaxeur, bien sûr. La mode des jus. T'avais le Big Mac Blend, le filet au fish swish. Ensuite, chez White Castle, quelque chose qui était la livraison par drone, le Crave Copter, rempli de 30 sliders, c'est des petits hamburgers minuscules de chez White Castle, donc livré dans une boîte par drone. Ils ont même fait un communiqué de presse pour dire qu'ils allaient livrer 1500 Crave Copters stratégiquement aux États-Unis continentales dans des White Castle. Donc voilà, ça c'était quelques blagues du poisson d'avril. T'as aussi quelques blagues du côté de l'international. Donc, au Royaume-Uni, Pizza Hut présentait leur nouveau pain Pizza Hut. Donc, pain aux légumes, pain sans gluten, pain avec croûte garnie, pain avec pepperoni classique. Donc, c'était un peu une grosse croûte de Pizza Hut. Voilà. Ensuite, t'avais chez Pizza Hut Canada avec leur concept de beignes à la pizza. Donc, fusion entre pizza et beignes. Très bonne idée. Domino's au Royaume-Uni qui essaie de nous convaincre qu'il permettait aux gens de faire leur propre pizza via un robot. Donc c'était le Dummy Maker, on pouvait contrôler ça à distance. En France, Burger King a rendu leurs frites un petit peu plus luxueuses, ou en tout cas une seule frite. C'était les premières frites à l'unité, donc les single fries chez Burger King. Alors que chez McDonald's au Japon, on offrait un concept similaire avec ses frites XXX Small. Donc c'était une seule frite dans un tout petit casseau de frites. minuscule pour juste mettre le bout. Se mettre le bout dans le carton. Voilà. Donc ça, c'était les blagues du poisson d'avril. On s'entend que c'est difficile d'en trouver les nouvelles après 2016 ans d'existence du poisson d'avril. Ensuite, comment faire vos propres produits Taco Bell? On parle souvent de Taco Bell comme une chaîne que j'aimerais donc pouvoir avoir au Canada. C'est vrai. Ben, au Québec, en tout cas. Ouais, un peu plus en région. Voilà, en région. C'est en région. Donc, c'est les frères YouTubers, les frères Green, Josh et Mike, qui nous présentent des vidéos de fabrication du menu de Taco Bell, mais à la maison. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Ils montrent étape par étape comment faire différents produits avec des wraps, des crunchy toast, peu importe. Donc, pourquoi pas. Ensuite, le lien va être sur assemblagerequis.com. En fait, il l'est déjà. Au Japon, tu sais, ici, on connaît déjà les cafés pour chats, le café chaleureux, ça existe à Montréal. Donc, au Japon, on a un café avec des hérissons, des porc-épics, le Hedgehog Café qui vient d'ouvrir à Tokyo. On paie 9$ les jours de semaine et 12$ les fêtes de semaine pour avoir une heure dans une pièce remplie de 20 à 30 hérissons. Le rêve de quelques personnes peut-être sur la Terre. Je sais pas qui a eu cette idée-là. C'est pas aussi cute que des chats. Mais c'est cute, mais c'est pas super cute. C'est pas aussi cute que les chats. Ouais, c'est ça. Mais au moins pour faire différent, pour faire parler d'eux à Tokyo, le Hedgehog et le café. Ensuite, c'est des burgers sushi fait maison qui ont vraiment été à la mode sur Internet ces dernières semaines. C'est selon Food Envy. C'est une chaîne Instagram, donc pas une chaîne, un compte Instagram, ouais. Food.envy. Donc c'est la dernière mode, les sushi burgers. Des burgers faits avec du riz, avec de l'avocat, du poisson, évidemment cru. Du saumon, ça peut être n'importe quoi. Petite mayonnaise épicée, du gingembre et du chou rouge. Donc c'est tout ça, c'est dans la chaîne de fast food Moss Burger qui ont commencé à faire ça. Il y a plusieurs variations qu'on peut faire à la main aussi qui ont commencé à faire fureur sur Internet, dont les exemples sont sur assemblagerequis.com. Ça vous montre comment les faire. Ben, en fait, ça vous montre pas comment les faire, ça vous montre comment ils ont été. Le résultat final, finalement. Ouais. Et c'est à vous, dans le fond, avec les ingrédients, le faire vous-même. Par après. Ça a l'air super bon. Ça doit pas se manger si facilement que ça parce que le riz doit se défaire en morceaux. Exactement. Mais il y en a un. La dernière photo sur le site internet, le riz a été frit. Ouais, exactement. Ça tient mieux, ça. Ça doit mieux se tenir, en effet. Et à l'intérieur, avec un petit peu de panko autour du poisson, j'imagine. Et la petite mayonnaise fancy que j'aime beaucoup avec les sushis. Ça a l'air super bon. Ensuite, un petit bloc thématique McDonald's. McDonald's qui demande aux gens de se servir leur propre McCafé. Ah, ouais. OK. Donc, McDonald's commence à installer des kiosques de McCafé au centre-ville de Chicago. Les stations sont situées dans le restaurant, mais à part, donc loin du comptoir. Et ce serait donc plus pratique pour les gens, dans le fond, qui font la file pour aller se commander un repas. Et toi, tu veux juste un café, à la place de faire la file et attendre que le repas soit complété devant toi, tu peux aller ailleurs pour prendre ton café. Ben, en fait, pour faire toi-même ton café. Ça devrait au moins enlever des gens de dans la file d'attente. Bonne idée. Et ça libère aussi les employés qui n'auront pas à faire eux-mêmes le drink à l'arrière alors qu'ils sont déjà occupés à faire des repas. Donc, ça inclut un écran tactile pour commander et pour payer. Ça fonctionne seulement par carte de crédit. Il y a un bec verseur pour faire le breuvage et un distributeur de verre. Il y a plusieurs options. Donc, latte, mocha, cappuccino. Il y a différentes grandeurs et différentes saveurs qu'on peut mettre, différents types de lait. L'espresso que tu peux prendre, donc prendre un double ou un triple, etc. Ah, oui. Donc, il y a aussi l'option d'un café normal, un café filtre. Le prix pour ces boissons-là est d'environ 2,99$ américains. Un concept qui est similaire au concept de McDonald's du passé qui s'appelait Create Your Taste, qui était disponible dans plusieurs restaurants pour faire ses hamburgers. Donc, l'idée a bien du sens. En tout cas, moi, je trouve que si ça peut enlever des gens dans la file qui veulent juste un café, si les personnes âgées là, qui vont arriver avec leur petit, ça coûte $1.75, c'est qu'ils vont sortir $1.25, des cents noirs, ça prend beaucoup trop de temps pour rien. Et eux, ben, Colin, ils vont juste avoir à sortir leur carte de crédit. Voilà, écran tactile. Les personnes âgées sont rendues là. Hein? Toujours chez McDonald's, on s'en va au Japon avec leur nouveau Giga Big Mac. C'est comme un Big Mac, mais en plus bœuf et en plus gros. Hein? Ah, OK. Ouais. Donc, c'est le plus gros Big Mac au monde chez McDonald's. En tout cas, le plus gros Big Mac officiel. C'est une version plus haute, plus large du burger signature de la chaîne, avec un pain plus large, plus épais, et 4 boulettes plus larges et plus épaisses, mais quand même assez minces, de bœuf, boulettes de bœuf. Donc, c'est 2,8 fois le bœuf qu'on retrouve dans un Big Mac régulier, ce qui devrait dire environ un petit peu plus d'une demi-livre de bœuf. Le premier, donc, Giga Big Mac est en fait juste une version avec plus de viande, plus de pain qu'on offrait déjà dans d'autres pays. Donc, le Giga Big Mac coûte 740 yens ou 6,89 américains, alors que le Grand Big Mac coûte normalement 520 yens, 4,80$. Les deux sont offerts jusqu'à la fin du mois d'avril. On offre aussi de grandes boissons en fontaine et de grandes frites pour aller avec ce grand burger-là. C'est pour les gros appétits. Là. Même si j'imagine qu'en fait, ça dit dans l'article que c'est pas tellement plus grand que les formats grands aux États-Unis. Okay. Au Japon, ils sont pas habitués, j'imagine, d'avoir un aussi grand format. Ah, c'est peut-être ça, ouais. La chaîne offre aussi un Big Mac avec 4 boulettes de viande dans certains pays sous le nom de Mega Big Mac ou Double Big Mac, mais ici, on appelle ça le, j'avais dit, Giga Big Mac. 4 boulettes, 3 grosses tranches de pain. Ouais. Toujours chez McDonald's, on s'en va maintenant. Je crois que c'est aux États-Unis dans ce cas-ci, oui. Donc, c'est McDonald's qui essaie... de nouveaux sirops de saveur, un peu comme Tim Hortons ici au Canada. Donc, ça s'appelle les McCafé Flavor Shots, donc les jets de saveur. Pareil comme chez Tim. Donc, les saveurs peuvent être ajoutées au café filtre normal et au café avec base d'espresso. Il y a des variétés sans sucre et avec sucre. Non sucré et ta version sans sucre. Deux choses différentes. 0 à 10 calories qui peuvent ajouter entre 70... Non, attends un peu. Ce qui peut ajouter entre 70 et 150 calories. Non, attends, je comprends pas. Attends. OK. Donc, les versions sans sucre ou non sucrées ajoutent entre 0 et 10 calories, alors que les versions sucrées normales, elles, ajoutent entre 70 et 150 calories. Ah, OK. On peut ajouter jusqu'à 3 saveurs. Donc, avec ou sans... les versions sans sucre ou sans sucre ajouté, c'est vanille française, noisette, caramel, chocolat, noix de coco, bleuet, cannelle, crème irlandaise et framboise. Alors que les saveurs sucrées, c'est vanille française, noisette et caramel. Les jeux de saveurs ont été vus pour l'instant dans le Maine aux États-Unis, dans Albany à New York, au Connecticut et dans l'ouest du Massachusetts. On s'imagine que si ça a du succès là-bas, ça va finir par aller aux États-Unis au complet et ça va éventuellement arriver au Québec aussi. On espère. Ben, s'il y a ça dans les dîmes et que c'est populaire, pourquoi ne pas l'avoir chez McDonald's aussi? Et voilà. Et c'est pas comme si c'était bien gros de la job d'acheter un jeu de saveurs. Ben non, c'est ça. Ensuite, toujours chez McDonald's, on teste une galette de saucisse de poulet. Ah, OK. C'est nouveau, donc c'est une alternative plus santé au porc dans les sandwichs déjeuner. Donc, la petite galette de poulet a été vue dans Albany, encore une fois, à New York, un marché qui fonctionne très bien avec les tests. Aussi dans les États de la Nouvelle-Angleterre depuis le mois de février. La chaîne explore des options plus santé pour leur menu classique. Ils ont commencé à offrir des blancs d'œufs en 2013. Ils testent maintenant la saucisse de dinde dans le sud de la Californie, ainsi que du yogourt grec, si on avait déjà parlé. C'est plus élevé en protéines à la place du yogourt régulier dans leur parfait. Ils ont aussi ajouté du chou frisé à leur mélange de salade depuis l'an dernier. Donc au moins, on fait un petit effort chez McDonald's pour rendre ça plus santé. Toujours chez McDonald's, le plus vieux McDonald's des États-Unis pourrait très bien avoir un service à l'auto bientôt. Donc le plus vieux, on a parlé de ça il y a quelques semaines, le plus vieux Taco Bell du monde, en fait, situé à Downey, en Californie, qui allait se faire détruire. Mm-hmm. Éventuellement, on a réussi à le sauver et à le relocaliser. Mais maintenant, il y a un autre établissement de la ville qui fait face à un grand changement. Le plus vieux McDonald's du pays va bientôt avoir un service à l'auto. Donc c'est le plus vieux McDonald's qui a survécu sans s'être fait à défaire ou à démolir depuis. Et le troisième McDonald's qui a été construit aux États-Unis, ça fait presque 60 ans que seulement donc la place au comptoir et des sièges à l'extérieur selon Curbed Alley. Mais tout ça va changer parce que le Downey Planning Commission s'est fait demander par le géant du fast-food d'incorporer un service à l'auto à la bâtisse. On dit que McDonald's a soumis ce plan-là après avoir déterminé que la place n'était pas assez profitable parce qu'elle n'avait pas de service à l'auto. C'est une grande partie quand même du budget, pas du budget, mais de l'argent qu'ils font dans un restaurant. Donc, on devrait discuter de ces plans-là dans les prochains jours. On va savoir bientôt si ça fonctionne. Donc, c'est un endroit qui est très, très différent des autres, avec un très, très gros mot hamburger à l'avant, avec la mascotte Speedy. Ça date vraiment... Il n'y a rien qui a changé dans le look de la pancarte. Même le M n'était pas de la même forme au départ. C'était vraiment un M avec le milieu qui s'inter... qui se croisait un petit peu, avec une barre en diagonale à travers le M, ce qu'on ne voit plus du tout de nos jours. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. C'est le plus vieux McDonald's du pays. Oui, voilà. Mm. Voilà. Rapidement, tiens, il nous en reste quelques-uns. Un Spotted en Australie avec les Oreos minces. T'as déjà vu les Oreos minces? On a parlé de ça il y a quelques semaines ici à l'émission. Ça fait pas très très longtemps qu'ils sont sortis. Absolument, c'est tout nouveau. Et maintenant, on a en Australie des sous-saveurs. Donc, on a des Oreos minces au tiramisu, au citron et à la vanille. Il vient d'arriver en Australie. Ça a l'air vraiment très très bon. Oui. Ça va sûrement venir ici un jour aussi. On espère. Croisons-nous les doigts. Oui. Toujours chez Oreo, des Oreos avec un enrobage chocolaté autour. Ça déjà, je sais pas, j'ai déjà vu ça, il me semble. Ah ouais. Okay, il me semble. Donc dans ce cas-ci, on les a au chocolat blanc et au chocolat au lait. OK. Donc, c'est des Oreos normaux avec la même crème dans le milieu, sauf qu'on les enrobe autour de chocolat. Ça s'appelle Oreo Travel Edition. C'est pour les voyageurs. C'est seulement vendu dans les aéroports, apparemment. Ça coûte pas mal plus cher. Là. C'est environ 9$ américains pour l'emballage. C'était pas de combien de biscuits, mais quand même, c'est dans une boîte toute... Ah oui, tiens, paquet de 8. Aïe, aïe. C'est plus d'un dollar par biscuit. Chaque boîte est shiny. Et ça dit que c'est un petit peu plus luxueux. C'est pour les voyageurs, là, quand même. C'est ça. C'est apparemment très, très bon. Allez voir ça. Les photos sont très appétissantes, je trouve. Ouais. Travel Edition de Oreo. Voilà. Ensuite, tiens, côté hamburger, tu sais, quand je regarde les nouvelles pour cette chronique-là, je vois tout le temps, tu sais, même si je fais juste 15-20 nouvelles dans la semaine, j'en regarde genre 300-400 les nouvelles de fast-food, et il y a tout le temps au moins un burger qui m'intéresse. Dans ce cas-ci, c'est aux États-Unis, chez Jack in the Box. On a le Sriracha Curry Fry Burger Munchie Meal. Donc, c'est un hamburger avec des frites torsadées à l'intérieur du hamburger. OK. Hein, donc, les Munchie Meals existent chez Jack in the Box depuis 2012. Et depuis leur introduction, ils ont ajouté plein de produits. Donc maintenant, on amène le Sriracha Curry Fry Burger avec une galette de bœuf à 100% bœuf, des frites torsadées, du fromage orange, de la sauce Sriracha sur un pain style pâtisserie. Et ça vient avec des half-sea fries, comme ici, on appelle ça chez Harvey's les fridelles. Donc, sauf qu'eux autres, c'est à la place d'avoir des frites et des rondelles d'oignon, c'est des frites régulières, des frites torsadées, qui viennent donc en accompagnement dans un genre de plat séparé. Ça vient avec deux tacos et une petite boisson. Le total du repas, c'est 1716 calories. Wow! Rien de moins. Hein? Ça, c'est de la calorie! Voilà, c'est tout pour une grosse pointe à l'adresse. On va essayer de se prendre plus de temps la semaine prochaine pour en faire parce que je trouve que ça me laisse sur ma faim pas mal, tout ça. Ouais. Sur ma soif aussi, je vais continuer de boire mon... Ton affaire fouettée. Prends-en au moins quelques gorgées pour que j'en boive le maximum. Je vais mourir. Je m'en vais chez le dentiste. Ah, c'est vrai? Ça veut dire que j'ai ruiné mes dents en dedans de 3 gorgées. Tellement... c'est ça. C'est le risque du métier, Tania. Le risque du métier. Voilà, pour une grosse pointe d'adresse, les liens sont sur assemblagerequis.com. Et nous, c'est la fin d'Assemblage Requis pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mardis entre 15h et 18h. Après nous, bien sûr, à 19h, ce sera l'émission Réanimation avec du métal et de l'horreur. On repasse les vendredis entre 17h et 20h. Après nous, c'est Sky Punk, l'émission de Punk Rock. Et finalement, les dimanches entre midi et 15h. Après nous, c'est Palmarès du Monde avec David Ferron. CIF.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On va se quitter avec une autre pièce du palmarès francophone. Anglophone, excuse-moi. Anglophone. Ben oui, c'est la deuxième du top anglophone. Donc, c'est Nap Eyes avec Roll It. On se quitte avec ça. On va rouler là-dessus. Puis on passe une très bonne semaine, Tania. Ben oui, à vous tous aussi. Oui, merci d'avoir été là. Bye. Merci à Marie-Christine Perra. Ah ben oui, à Marie-Christine Perra, à Gabriel. Gabriel Béoud. Gabriel Béoud. Et vous tous. Et les enfants à Marie-Christine. Oui, Maya et Sarah. Et voilà. Bye. Bye. It could be me.